C'était les nuits de France Musique. Voici tout de suite la tribune des critiques de disques par Jérémy Rousseau. France Musique. La tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau. Au programme cet après-midi, Petrouchka de Stravinsky. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la tribune des critiques de disques, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année. Bonne année à vous tous, bonne année à nos trois invités cet après-midi. Bonjour Elisabeth Platel. Bonjour. Vous êtes danseuse étoile, directrice de l'école de danse de l'Opéra National de Paris et vous avez beaucoup à nous dire sur ce ballet que vous connaissez très bien. On a entendu la ballerine là, juste le thème de la ballerine avec sa trompette dans ce ballet de Stravinsky. À vos côtés cet après-midi, Yannick Millon. Bonjour Yannick. Bonjour. Rédacteur en chef d'Alta Musica, journaliste critique à Classica. Et enfin, Emmanuel Giuliani. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jérémy. Journaliste au quotidien La Croix. Qu'est-ce que vous avez, vous trois, je vais commencer par vous Emmanuel, comme rapport avec, avec ce ballet de Stravinsky, Petrouchka, créé en 1911 au Théâtre du Châtelet par les ballets russes, je le rappelle. Eh bien, j'ai mis longtemps à réussir à regarder et à écouter avec les yeux et les oreilles autant ouverts les unes que les autres. Peut-être parce que j'ai commencé à entendre Petrouchka dans sa version de concert. Et après, la première fois que j'ai vu le ballet, j'en ai eu tellement plein les yeux que j'ai presque, non pas perdu la musique, mais j'ai mis beaucoup d'années, vraiment, et c'est pour ça que je suis très, très, très contente que ce soit au programme, vraiment d'en comprendre l'extraordinaire fusion. Ce ballet, donc, je l'ai dit, a été créé en 1911 au Théâtre du Châtelet par les ballets russes de Diaghilev, avec Nijinsky dans le rôle de Petrouchka. Il est entré au répertoire de l'Opéra de Paris en 1948 avec Micheline Barda, Michel Renaud, Max Bozzoni et Nicolas Efimov. Et ça tombe très bien de parler de l'Opéra de Paris, non seulement parce que vous êtes là, Elisabeth Platel, mais parce que le 5 janvier 1875, il y a donc 150 ans, on inaugurait en grande pompe le Palais Garnier. Voilà. Elisabeth Platel, justement, quel rapport, en tant que danseuse, vous qui avez peut-être enseigné ce ballet, quel rapport avez-vous à Nijinsky ? Ah, le rapport à Nijinsky, je pense que c'est le premier danseur moderne de notre époque, même si c'était quand même un répertoire classique. Mais là, on se retrouve, c'est un acteur. Oui. Petrouchka, en fin de compte, n'a aucune variation classique. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de virtuosité. Par contre, il y a une émotion immense. C'est vraiment un personnage qui va arracher les larmes. Et moi, par contre, j'ai rencontré Petrouchka d'abord par les yeux, avant d'en entendre la musique. Oui. Mais c'est, pour moi, c'est un ballet d'émotions. C'est chaque fois que je vois Petrouchka, je pleure à la fête foraine. Oui. Est-ce que la musique de Stravinsky est difficile à danser ? La musique de Stravinsky est peut-être celle que les danseurs connaissent le mieux, parce que nous, on a un système de décompte de la musique qui n'est absolument pas musicale, où on a des comptes en 8, en 10, en 12. Et parfois, on peut dire aux musiciens, là, vous nous avez mangé une note, parce qu'on est tellement attentif. Par exemple, quand on danse Agon, c'est quand même une partition. Il y a moins de repères que dans Petrouchka. Il y a des repères, on est obligatoire. Ouais. Mais c'est vraiment une musique qui nous confronte à la modernité, mais on adore, adore. Alors, je l'ai dit, je répète, 1911, c'est la version sous la direction de Pierre Monteux qu'on entend pour la première fois au Théâtre du Châtelet. Et puis Stravinsky, 30 ans plus tard, Stravinsky en 1911, il a à peine 30 ans. Hein. Et en 1947, voilà qu'il remet sur le métier sa partition. Yannick Millon, pourquoi Stravinsky décide de faire une deuxième version de Petrouchka qui va nous intéresser cet après-midi parce que ça va être la base de notre écoute. La version de 1947. Pourquoi Stravinsky compose une deuxième version et quelle est la différence, très brièvement, entre celle de 1947 et de 1911? Alors, c'est avant tout pour des raisons pécuniaires que Stravinsky va... Il était comme ça, Stravinsky. Un peu, oui. Ouais. Il avait très peur que son copyright se termine et qu'il ne puisse plus toucher de droits d'auteur sur cette œuvre. Et donc, il a décidé de refaire une version. Mais après, je veux dire, c'est pas juste pour la façade. Malgré tout, il a changé beaucoup de choses. Il a développé le côté symphonique de l'œuvre en faisant moins une grande œuvre de théâtre et de ballet. Par exemple, il n'y a plus du tout les instruments qui sont hors scène. Il passe d'un orchestre à bois par 4 à un orchestre à bois par 3. Et puis, il va changer quelques couleurs. Par exemple, le thème de la ballerine qu'on a entendu dans le générique de l'émission, qui était pour le cornet à piston, passe vraiment pour la trompette cette fois. Il va surtout réécrire pour le chef d'orchestre la métrique assez compliquée qu'il avait écrite de manière un peu expérimentale, peut-être en 1911. Il va changer beaucoup de choses pour simplifier la première scène du ballet qui est compliquée. Et il va retirer le glockenspiel dans le thème de la jambe en bois, et des choses comme ça. Et donc, en fait, il y a beaucoup de toutes petites différences, mais il n'a pas du tout touché à la structure. La musique est la même, elle n'est juste pas orchestrée de la même manière. Bien. Il y a plus de versions de 1947 que de 1911. C'est sur cette base-là que cette écoute cet après-midi se déroulera, avec à la fin, je l'ai séparé des autres, une version de 1911 que nous écouterons, histoire peut-être d'entendre la différence, qui n'est pas immédiatement perceptible quand on l'écoute peut-être de façon un peu inattentive. Petrouchka, c'est le polichinelle du théâtre russe, hein. Nous sommes pendant le carnaval, le premier tableau se passe à Saint-Pétersbourg, climat de fête foraine, on a ce mage qui apparaît, qui va montrer ces trois personnages, donc Petrouchka, le pantin, le maure et la ballerine. Ça sera lorsqu'ils s'animeront. Le deuxième extrait, la danse russe, mais le premier extrait, c'est le lever de rideau, le début de Petrouchka, que nous allons entendre 6 fois cet après-midi, comme chaque dimanche. Les versions apparaissent sur votre écran, pour lesquelles vous pouvez voter ou pas, en nous envoyant vos commentaires et tenter de gagner le disque France Musique de la semaine, qui est le coffret La discothèque idéale de Diapason, consacré à Berlioz. Les chefs-d'œuvre de Berlioz ont décédé, on est très loin de Stravinsky. Voilà. En tout cas, voici sans plus tarder le premier extrait, ce début de Petrouchka, dans la version A. We'll be right back. On s'arrête ici pour le premier extrait de Petrouchka de Stravinsky dans la version A. Elisabeth Platel, vos impressions sur ce que vous avez entendu, sur ce tableau qui commence ? Déjà, on peut saluer la qualité de la partition. C'est absolument extraordinaire. Mmh. On voit tellement les entrées différentes de tous les personnages, comme si en plus ils se parlaient les uns sur les autres, puisqu'il y a toutes ces entrées. Ça grouille sur scène. Ça grouille. Et il y a vraiment des personnages très, très définis. Il y a le marchand avec les deux bohémiennes. Il y a les danseuses de rue. Il y a celui qui annonce l'heure. Enfin, c'est un travail d'ailleurs d'acteur assez important. Ouais. Après, moi, j'étais un peu déçue par après le triangle de la danseuse des rues. Je l'ai trouvé un peu terne. Parce que c'est, en général, c'est, dans la distribution, ça doit être deux danseuses de petite taille et ça doit être très perlé. Mmh. J'ai trouvé ça un peu anecdotique et pas assez subtil. Pas assez subtil. Yannick Millon, vos impressions à vous ? Alors cette version A, elle a déjà, je trouve beaucoup, il y a une grande impulsion, beaucoup de vivacité. Au début, la musique fuse et le chef a tendance un peu à cravacher au départ. Il empoigne pas mal l'orchestre, mais ça n'est jamais sec pour autant. Il laisse beaucoup scintiller la percussion. On entend par exemple le tambour de basque. Il laisse presque traîner parfois un petit peu. Il y a une manière de prendre les choses d'un petit peu haut, une certaine distinction. C'est un peu le peuple vu depuis l'aristocratie. On ne met pas les mains dans le cambouis tout de suite. Et dans le thème justement de la mélodie de la chanson française La Jambe en bois, il n'y a pas ce côté populo. On est sur quelque chose d'un petit, c'est un peu sublimé quelque part. Et le climat de la fin, moi, m'a fait penser à la féerie de Noël et à Casse-Noisette. Je ne sais pas pourquoi, avec justement ce célestat. Et donc, il y a beaucoup de sonorités cristallines. Et parfois, ça pourrait être peut-être un petit peu plus vers la fin, un peu plus théâtral. Les trois personnages ne sont pas encore apparus, ils sont toujours cachés derrière le rideau. Mage qui va les faire apparaître peu de temps, mais on ne les voit pas pour l'instant lorsque le rideau se lève avec cette vie dont vous avez parlé, Elisabeth. Emmanuel Giuliani, est-ce que vous avez vu ces personnages, vous, ici ? Oui, peut-être pas tout à fait. Ce que j'ai vu, c'est une ambiance enjouée, claire, festive, avec un beau foisonnement, à la fois du foisonnement et de la clarté. Et ça m'a bien plu, mais j'ai trouvé dès le début que ça manquait un peu de mordant. Ce que vous disiez, la théâtralité, au risque d'un peu d'uniformité. Alors évidemment, la partition, toutes ces sonorités combattent cette impression, mais pour ce qui est de la conception de la direction d'orchestre, j'ai trouvé que c'était un petit peu sage, aimable et un chouïa de charme et d'abandon en même temps que ce mordant. Ce qui est toujours très, très séduisant, c'est qu'on a à la fois des angles, beaucoup, et aussi des moments où ça se relâche, on a l'impression que la pulsation est toujours là, mais qu'à l'intérieur de cette rigueur, il faut s'assouplir, et de l'enfance et de la sophistication. Enfin, et je trouve qu'il n'y a pas tout ça encore. Bien, c'était la première. On passe tout de suite à la deuxième, à la version B, pour voir ce qu'elle nous réserve. Version B. Thank you. Voilà pour la version B de Petrouchka. Il y avait, disiez-vous, Yannick Millon, dans la version A, une fête populaire vue du côté aristocrate, un petit peu. Là, on est en plein dans la fête populaire, non ? Oui, on est dans la fête populaire, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette version, c'est qu'il y a presque, je disais, un peu féerie de Noël dans la version précédente. Ouais. Là, on est plutôt dans le conte macabre. Il y a des sonorités qui sont très macabre. Insérées. Ah, oui. Ah, il y a un côté Tim Burton, moi, qui m'intéresse beaucoup là-dedans. Ouais. Au tout départ, j'ai été assez dérouté par le contraste entre une couleur d'orchestre assez verte, un peu criarde presque, mais que j'aime beaucoup, hein, mais une volonté de faire le début très fondu. Donc déjà quelque chose où on ne voit pas très bien où sont les plans et où, quelque chose d'inquiétant dès le départ. Et c'est une version qui pique, hein, qui est quand même très pointue. Mmh. Et les arrière-plans de cruauté peuvent, à mon avis, mener loin. On sent que c'est une histoire qui va mal finir. Et tout est articulé un peu court, un peu sec. Et le foisonnement qu'il y a, parfois, on entend presque les oiseaux préhistoriques du sacre déjà. On n'est plus du tout dans le côté post-oiseau de feu avec la féerie traditionnelle, mais on va dans quelque chose qui est beaucoup plus moderne. J'ai trouvé très moderne cette version. Ouais. L'oiseau de feu, c'est l'année précédente. C'est l'année précédente, 1910. Qui est encore très dans l'esthétique Rimsky-Korsakov. Ouais. Et là, on a tourné la page vraiment. Ouais. Alors que dans certaines autres versions, on est encore un peu la dernière extrémité. Ouais. Et le sacre, ça sera 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, oui. Ouais. Emmanuel Giuliani, vous rejoignez Yannick sur le côté macabre de cette version. Absolument, j'ai noté aussi cette histoire, ça va mal finir. Et je trouve qu'on le sent avec un côté macabre, mais un côté aussi mélancolique et triste, dû peut-être aussi à un tempo plus lent, plus rêveur, qui est très poétique. Moi, je ne pensais pas à Tim Burton, mais je me disais Fellini aurait pu être conseiller artistique. Parce que je trouve que c'est très, très poétique, un peu inquiétant et avec des chimères et des fantasmagories, mais aussi très affectueux. Moi, je sens beaucoup d'empathie et d'affection dans cette version dès maintenant. Alors, c'est vrai, avec moins un son de concert qu'on a pu avoir dans la version A, on est plus au théâtre avec des angles, des choses à la limite pas forcément très plaisante, ça grince un peu, oui, ce côté vert, mais qui ne va pas contre la clarté. Et puis, c'est ça. Moi, ce qui domine vraiment, c'est que je trouve que d'emblée, alors qu'on en a écouté quoi, 2-3 minutes, une grande émotion et une grande palette de sentiments est déjà là. Oui. Et ça, c'est un beau cadeau. Oui. Est-ce que vous avez vu les personnages, Elisabeth Platel, qui est un peu plus flou dans la version A ici. Est-ce que là, je les ai vus arriver beaucoup plus lentement. Ouais. C'est-à-dire un peu plus un par un. Il y a moins la foule qui se masse. Et moi, j'ai trouvé que ça manquait de joie et d'humour. Ah oui. C'est quand même... c'est le carnaval. Alors, la jambe de bois, je pense que la danseuse de rue, elle a une jambe de bois. Je l'ai trouvée très lente. Oui. Alors, moi, c'est toujours la danseuse qui va parler d'un tempo. Or, la chorégraphie initiale, c'était avec des cabrioles très légères et ça manquait de spontanéité, cette jambe de bois. Oui. Si un chef dirigeait ça comme ça... On lui demanderait d'être plus léger. Plus léger. Même quand il y a les accords avec le triangle, ça doit être au contraire mystérieux et joyeux. Parce qu'en en fin de compte, ce qu'il faut, c'est la spontanéité des interventions de tous les personnages. Puisqu'ils vont tous se bousculer, on le voit bien avec les entrées de tous les thèmes. Et chacun se pousse pour exister. Oui. Les danseuses de rue, elles déroulent le tapis, elles dansent sur le tapis. Et après, elles sont poussées par les gendarmes. Enfin, c'est tout un jeu. Et là, j'ai trouvé que c'était pas très joyeux. Oui. Ce jeu d'acteur, c'est un jeu d'acteur un petit peu, hein, avant l'intervention peut-être des passages réellement chorégraphiés. C'est de la chorégraphie tout de même. C'est du pantomime, c'est ça ? Lorsque tous ces personnages arrivent sur scène, qu'ils jouent. À part les deux danseuses de rue, pour l'instant, il n'y a pas encore de danse. Il y a beaucoup de mouvements de foule. Ouais. On aura beaucoup plus de danse dans le troisième tableau. Tout est réglé au millimètre, y compris dans ces mouvements d'acteur. Bien évidemment, c'est une partition. Oui, oui. Et je rappelle, donc, la chorégraphie est de Michel Fauquet. Nijinsky tient le rôle de Petrouchka. Lorsqu'elle entre au répertoire de l'opéra en 1948, c'est toujours une production qu'on peut voir aujourd'hui. Pour l'instant, elle n'est pas programmée, mais c'est une production qu'on a fait jusque les années 90. Les années 90, oui. Vous-même, vous avez chanté, oui. Trop d'opéra. Surtout pas. Non, oui. Vous avez joué cette ballerine, vous avez incarné la ballerine. Non, moi j'ai fait partie du spectacle justement hommage à Diaghilev, mais je faisais les noces. D'accord. Aussi de Stravinsky. Bien. Très très belle partition. Très belle partition aussi, qu'on abordera un jour à la tribune d'ailleurs, il faudra le faire. On passe tout de suite à la suivante, à la version C. Thank you. La version C de Petrouchka de Stravinsky, dans la version de 1947, je le précise, Emmanuel Julien, est-ce qu'elle a les côtés inquiétants, macabres de la précédente, non, cette version enfin, C? Elle est plus tranquille. Pour moi, elle est très, très séduisante. Ça, ouais, joue vraiment la séduction orchestrale, ouais, avec des instruments tous plus flamboyants que les uns que les autres. Et dans les grands passages de Tutti, je trouve que ça marche très bien si on était au concert. Avec vraiment une opulence, un côté à la fois très caressant et qui en met plein les oreilles, et un vrai panache. En revanche, je trouve que dès qu'on est dans la miniature et là vraiment la caractérisation, là on perd. Moi j'aimais beaucoup la précédente là-dessus, qui est exactement l'inverse. Et là je trouve qu'on perd en théâtralité, en aspérité, en poésie, en texte et sous-texte. C'est magnifique, mais c'est un peu trop tranquille. Vous partagez ce que dit Emmanuel et Elisabeth Platel ? Pas tout à fait, ouais, mais non, je suis d'accord sur la clarté, c'est très détaché. Tout le début, c'est vraiment flamboyant, il y a un panache en effet. Après, on n'a pas eu du tout le triangle. Je n'ai, oui, pas du tout. Loin, très loin, il était très loin. Dans un studio, ouais, on a l'impression. Ouais. Et oui, enfin, j'ai trouvé que l'apaisement était assez joli. L'apaisement, quand brusquement, c'est... Attendez, on va danser, regardez-nous. J'ai plus été, en effet, j'ai aimé le début. Je suis, ouais, d'accord. J'ai aimé le début avec les flamboyances de chaque intervention. Ouais, ouais. Être sur un tempo qui convient. Très, très bien. Ouais. On ne ferait pas presser le chef d'orchestre ni le. On le respecterait. On le respecterait. Yannick Millon, qu'en dites-vous ? Ah ben moi, j'aime beaucoup cette version, ouais, globalement. On a bien le vivace qui est écrit dans la, comme indication de tempo. Il y a une ambiance de joyeux foutoir, mais très organisée dès le début, que j'aime énormément. Ça fuse de tous les côtés. On a l'impression qu'il y a des personnages qui rentrent de cour, de jardin. On ne dira jamais assez à quel point c'est une œuvre qui n'est pas du tout pour les chefs contemplatifs. Hein. Petrouchka, c'est pour les rythmiciens. Mm-hmm. En général, c'est les chefs qui s'en sortent le mieux. Et là, on a vraiment justement ce travail sur la précision des rythmes qui est vraiment très intéressant, je trouve. Les couches sont parfaitement superposées. Il y a du brillant, de l'éclat. Et ça renvoie aussi à la raison pour laquelle Stravinsky avait commencé à écrire cette musique qui n'était même pas pour l'idée d'un ballet. Il avait commencé à écrire un concertstück pour piano. Oui. Et là, on a exactement le bon dosage du piano. C'est très compliqué dans Petrouchka. Tantôt, on en fait juste une simple couleur parmi les autres de l'orchestre qui n'a pas de saveur. Tantôt, on en fait un concerto pour piano. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les chefs n'aiment pas forcément mettre un grand soliste parce que ça tire trop la couverture. C'est rarement des grands solistes. Oui, oui, oui. Mais ouais, il y a quelques versions quand même, ouais, avec eux. Mais là, en l'occurrence, le dosage est très très bon. Et je trouve qu'au niveau de l'articulation de l'orchestre, le staccato est absolument excellent. Alors le triangle rentre effectivement sur la pointe des pieds, mais très délicat, très petit, et avec un tempo menomoso qui est exactement ce qu'on a envie d'entendre quand on regarde les indications métronomiques. Oui. Voilà, cette manière d'entrer sur la pointe des pieds est assez intéressante. C'est parfait comme un triangle qui rentre sur la pointe des pieds avec Elisabeth Platel, on ne peut pas faire mieux. Mais oui. Ouais. Et du coup, le piano vient en renfort du Celesta pour ajouter de la couleur vers la fin de ce passage de la jambe en bois. Il y a de l'humour et de la tendresse, moi j'ai quand même trouvé ça, ouais, très bien globalement. On entendra beaucoup le piano dans le deuxième extrait. Hein, qui sera la danse russe. Danse russe, ouais, oui. Je voudrais, puisque vous avez parlé de ce concertstück que Stravinsky avait en tête, hein, c'est ce qu'il relate dans ses chroniques de ma vie. Je voudrais vous lire très brièvement ce passage parce qu'il en dit long sur la vision de Stravinsky. Au moment, dit-il, avant d'aborder le Sacre du printemps, dont la réalisation se présentait longue et laborieuse, je voulus me divertir à une œuvre orchestrale où le piano joue un rôle prépondérant, une sorte de concertstück en effet. En composant cette musique, j'avais nettement la vision d'un pantin subitement déchaîné qui, par ses cascades arpège diabolique, exaspère la patience de l'orchestre, lequel à son tour lui réplique par des fanfares menaçantes. Il s'ensuit une terrible bagarre qui, arrivée à son paroxysme, se termine par l'affaissement douloureux et plaintif du pauvre pantin. Voilà, ça sera pour plus tard, bien évidemment. Ce pauvre pantin tué, dont on voit le fantôme à la fin, ça sera le troisième et dernier extrait. Mais voilà, pour citer Stravinsky, et puis un témoignage, on parlera tout à l'heure de son témoignage, de ce qu'a porté Nijinsky à ce ballet, son incarnation du pantin, toujours dans les chroniques de ma vie. On revient à notre comparaison en passant maintenant à la version D. Thank you. La version D de Petrushka de Stravinsky, Elisabeth Platel, est-ce qu'elle apporte un nouvel éclairage sur ce lever de rideau, cette version D pour vous? J'ai l'impression que je vais me faire tuer. Pourquoi? Ben non. Parce que je n'ai pas aimé. Ah, vous n'avez pas aimé, mais il faut, mais voilà. Vous avez raison. Je ne l'ai pas aimé. Ouais. Alors, je demande aux musiciens, est-ce que par hasard, elle n'est pas un ton en dessous? Non, parce que j'ai eu l'impression que c'était en dessous et j'ai trouvé les contrastes un peu gênants, les niveaux qui étaient différents. Mmh. Et ça m'a troublée. Et alors, la danseuse des rues, je l'ai trouvée très pressée de régler sa variation. C'est un peu... voilà, elle était... J'ai pas du tout ressenti l'urgence, la clarté et les détachements de chaque thème de la version d'avant. Oui. Où pour moi, c'était tellement limpide. Là, j'ai trouvé qu'il y avait... ça s'enchaînait trop et je l'ai trouvé un peu comme derrière un filtre. La prise de son aussi, non? Non, j'ai pas cette écoute ouais. aussi sensible. Ouais. Moi, là, c'est vraiment... Ça m'a pas du tout ému. Ça vous a pas ému, oui. Yannick Millon, ça vous a ému ou pas? Pas beaucoup, non. Mais effectivement, il y a déjà une drôle de prise de son. Ouais. Le début paraît quand même très nébuleux, un peu éteint presque. Ça m'a fait un peu cet effet-là. On installe une espèce de patte sonore un peu confortable, presque un peu hypnotique, comme dans la musique minimaliste. Et de temps en temps, il y a une espèce de gros coup de projecteur, un accent très brutal au milieu. Ça paraît dans l'ensemble un peu survolé. Et notamment, il n'y a pas les contrastes de tempo dont parlait Elisabeth, justement, sur la jambe en bois. Le menomoso, il n'est pas respecté du tout. C'est rigoureusement le même tempo qu'au début. Et du coup, tout ça nivelle un peu les contrastes. Et puis, dans les passages un peu tendres, le chef ne s'embarrasse pas de détails. On a l'impression que ce qui l'intéresse, c'est plutôt les effets de masse, les timbres qui peuvent se confronter les uns aux autres. C'est un côté raide et parfois peine prosaïque quand même. Mmh. Donc on n'est ni au ballet, ni au concert. Ah bah du coup, c'est un peu difficile, on est un peu le cul entre deux chaises. Entre les deux chaises, oui. Emmanuel Juligny. Je ne sais pas ce que le timbalier a donné aussi pour être mis tellement en relief. Alors, c'est impressionnant. Le triangle très loin aussi. Hein. Voilà, ouais. Mais bon. Le début, c'est presque ennuyeux, tellement retenu et pudique. Alors après, il y a un beau crescendo, ça s'anime et je me suis dit, bon, c'est parce que mon écoute n'était pas assez attentive et maintenant, ça y est, on est entré dans le feu de l'action. Mais il n'y a pas beaucoup de recherche sonore, alors que quand même, on offre sur un plateau un tel festin d'instruments, de timbres, de possibilités de faire une dentelle éblouissante. Elle n'est pas vraiment là. Et ce n'est pas au profit d'une délicatesse et d'une invitation à écouter de manière plus fine, plus acérée. On s'ennuie un petit peu. On s'ennuie un petit peu, c'est noté pour la version D. Vous êtes à peu près tous d'accord, oui, sur cette version. Eh bien, c'est l'occasion de passer à la suivante, la E. Thank you. Voilà la version E de Petrouchka, de Stravinsky. Moi, j'ai été frappé en réécoutant cette version. C'est, dès le départ, les flûtes, on a l'impression qu'elles sont d'une ironie. Elles sont narquoises, ces flûtes, non ? Yannick Millon, tout début, ça donne tout de suite une couleur à cette version. Oui, mais disons qu'elles ne sont déjà pas vibrées du tout, donc ça fait un drôle d'effet. Elles sont très raides, très droit. Très droit, très raide. Ouais. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de proposition dans cette version, mais je pense qu'on peut le percevoir de manière assez différente. On a un chef qui est maniaque de l'articulation dès le début, qui tire tous azimuts, qui veut tout mettre en pleine lumière. Il n'y a presque plus de stratification. C'est une véritable radiographie sonore. On entend absolument tout jusque dans le moindre pupitre. La prise de son va complètement dans le même sens. Elle favorise beaucoup le spectaculaire. Elle cherche à mettre en scène des jarres en soie avant que le chef ait commencé à lever la baguette. Ça me fait penser un peu à ce qu'on a eu parfois avec l'esthétique d'Eka à une époque, et qui cherchait vraiment à faire beaucoup d'effets comme ça, avec des grands coups de projecteur. On a quelques bons coups de taloche au timbal à nouveau. Ça annoncerait là aussi plus le sacre qu'autre chose, avec un côté presque à fois un peu brutal. Mais finalement, avec toute l'admiration qu'on peut avoir pour cette réalisation qui, dans le genre, est impeccable et qui, au moins, n'est pas endormie, il y a beaucoup de choses qui paraissent un peu surjouées, je trouve, au bout d'un certain temps. On se dit un peu au diable naturel. Quant à la poésie, c'est pareil. Je trouve que quand on arrive vers la fin, là, c'est quand même un peu terre-à-terre et avec un piano très poseur. Et puis, beaucoup de choses sont un peu téléphonées. Donc, je ne sais pas si ce côté un peu, ce sens de l'épate tient la route tout le long. En tout cas, bon... Oui. Il n'y a pas le côté macabre qu'il y avait dans la non, baie. Non. Mais par exemple, la différence, c'est que dans la C, où il y avait ce piano qui venait vraiment en renfort du Célestat, là, il lui prend quasiment la place. C'est beaucoup moins subtil, en fait. Oui. C'est pas subtil, Emmanuel Giuliani. C'est moins subtil que oui, quoi que la D. C'est très vertical, presque martial. Mais moi, j'ai entendu de l'ironie. Et j'avoue que je me suis assez laissée avoir parce qu'il y a une impulsion, un côté acéré, aiguisé, un peu méchant, qui, à vrai dire, m'a beaucoup plu, surtout au début. Peut-être aussi par contraste avec la précédente que je trouvais molle et uniforme. Et ce qui fait que quand arrivent les personnages et qu'on attend en effet plus de poésie, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une espèce de... J'ai quand même envie de faire ma place au milieu de tout ça. Donc, j'ai trouvé qu'elle était très paysagère, évocatrice. Et j'avoue que je me suis laissée embarquer. Qu'est-ce que vous lui trouvez de particulier à cette version ? Quel caractère est là pour vous, Elisabeth Platel ? Téméraire. Téméraire. Je l'ai trouvé téméraire, osé. Il y a eu un moment où il y avait beaucoup de propositions. Au début, j'ai marqué qu'il y avait beaucoup de virgules. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'emploie quand on danse. Mettez des virgules, c'est-à-dire des temps d'arrêt pour ménager ses effets. Ah oui. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas au détriment de l'émotion ? Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des accélérations imposées, un petit peu comme si on exagérait certaines accélérations pour mettre en valeur autre chose. Enfin, elle me laisse perplexe. Oui. Je ne dis pas que j'aime pas, je ne dis pas que j'aime, elle me laisse perplexe. Oui. Ces virgules, elles permettent quoi aux danseurs de se préparer ou de respirer. De plier. Oui. De plier. Donc le plier, pour nous, ça va être la reprise de notre élan. Après, c'est sûr qu'on doit faire corps. En fin de compte, c'est un dialogue avec un chef d'orchestre. Oui. C'est pas le chef qui dirige, c'est pas le danseur non plus, normalement. Normalement. Les danseuses dont vous parlez, danseuses de rue, là, vous les avez vues dans cette version E ? Oui, je les ai pas vues dérouler leur tapis. D'accord. Non, c'est tellement joli, elles arrivent avec le tapis sous le bras et elles le déroulent. Et après, elles appellent le chaland. Il y a deux groupes qui se dessinent. Il y a ceux qui regardent celle de côté cour et ceux qui regardent de côté jardin. Et c'est un côté théâtre de poupées. On est de nouveau encore dans le théâtre de poupées et c'est très joli. Oui. On va entendre la dernière version, la version F. Celle-ci, c'est la version du ballet de 1911. Alors que je vous rappelle, hein, les cinq versions que nous avons entendues jusque-là sont la deuxième mouture de Stravinsky de 47. Voici la version F, ballet, version originale donc de 1911. La version F de Petrouchka de Stravinsky, dans la version donc de 1911, écrite pour le ballet, lors de cette première par les ballets russes. Est-ce qu'on sent que cette version que vous entendez là est vraiment prête pour la scène, Emmanuel ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, moi j'adore. Alors, évidemment, surtout après avoir entendu les cinq précédentes, on a l'impression qu'on est dans un spectre sonore plus aigu, qu'on entre dans une volière. Ça pépille, ça babille, ça s'interrompt ça, de partout. J'y entends peut-être, parce que vous nous avez dit aussi version 1911, ballet, etc. Donc peut-être que je me suis conditionnée à un côté très russe. Moi, j'aime énormément, un peu comme quand on entend, après avoir entendu des chœurs avec les sopranos, des voix de femmes, une très bonne version avec des voix d'enfants. Enfin, mm-hmm. Ça crée cette espèce de rupture, moi, que je trouve, dans l'ordre de l'écoute que vous nous avez proposé, vraiment merveilleuse. Je la trouve très cohérente. Et même si j'ai hâte qu'Elisabeth nous dise ce qu'elle pense du tempo à la fin de l'extrait, peut-être lent, mais alors je trouve qu'il y a un charme et une tendresse, oui. Moi, qui me fait aimer ces personnages et je fonds. Oui. Je vous ai vu acquiescer, c'est trop lent, Elisabeth. La danseuse de rue est un tout petit peu lente, mais oui. Moi, en fin de compte, j'ai marqué c'est une version très chorégraphiée. Ah oui. Pour moi, elle est très chorégraphiée, j'ai tout vu. Le début est un peu lyrique. Il y a un côté un peu lyrique et il y a moins l'urgence qu'on a entendu dans d'autres versions. Cette urgence, vous savez, de tous les gens qui arrivent. Par contre, en effet, j'ai vu la Russie et pour moi, je les vois arriver avec leurs tambourins, tous faisant plus de bruit les uns que les autres, avec cette gaieté. Voilà, je l'ai trouvée très imagée. Très imagée, oui. Parmi les six, c'est la plus imagée pour vous ? Ça serait celle qui correspondrait le plus à la version chorégraphiée. Ouais, ouais. Après, c'est peut-être pas forcément la plus belle musicalement, ouais. Mais ce serait celle qui nous mettrait d'accord avec le chef d'orchestre. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, Yannick, quand on passe de 1947 à 1911, là, pour le coup, de E à F ? Ah, ben c'est l'opulence. L'opulence. Ah, là, vraiment l'opulence. Et d'ailleurs, le chef va dans ce créneau-là. Parce que le début, effectivement, moi j'ai trouvé aussi très lyrique, très opéra russe. La patte sonore est soyeuse, un peu douce au tout départ. Il y a beaucoup de lumière, pas vraiment de frénésie dans les premiers instants, mais une sorte de lever du jour, un peu qui fait penser à la Coranchina, moi, vraiment. Oui. Beaucoup plus. Mais après, c'est pas incohérent, vu d'où vient Stravinsky, ça marque moins la rupture de son style, en tout cas. En revanche, dès que la percussion rentre, ça m'a fait un peu l'effet badaboum. Là, j'ai trouvé ça un peu vulgaire, un peu trop scandé, peut-être. Et puis après, le chef traîne un peu avec un côté faussement négligé, mais je suis un peu gêné par la prise de son qui casse un peu la tête parfois dans cette version. Tout sonne très très fort. À la fin, quand on arrive là sur la danseuse de rue, c'est presque beaucoup trop fort à ce moment-là. En revanche, c'est intéressant d'entendre le Glockenspiel plutôt que le Celesta, ça fait pas du tout la même couleur. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a un côté authentiquement russe dans cette version qui peut être séduisant aussi. C'est après les cinq versions qu'on a entendues avant, là on change d'univers et le changement de disquette est un petit peu difficile pour moi. Mais c'est sans doute autant lié à la version du texte musical que la version interprétative. Ouais. On a fait le tour de ces six versions et nous allons en supprimer deux. Pour entendre la danse russe, qui sera notre deuxième extrait. Elisabeth Platel, c'est toujours un moment délicat de supprimer des versions. Pourquoi c'est moi qui commence ? Ah, c'est comme ça. Moi, c'est sûr, je supprime la D. Oui. Ça, c'est sûr. Et après, j'hésite. Oui. J'hésite entre la E et peut-être la A. D'accord. Yannick Millon. La D, c'est sûr. Oui. Et pareil, j'hésite un peu entre la E et la A. La F ne me plaît pas beaucoup, mais mes deux voisines ont l'air de tellement l'aimer que je ne vais pas leur mettre des bâtons dans les roues. Et puis c'est une autre version, même si elle... Oui, voilà, c'est bien d'entendre autre chose. Ouais. Donc j'hésite un peu entre la A et la A. Emmanuel Giuliani. Pareillement pour la D. Vous hésitez aussi ? Non, la A, parce que moi j'ai bien aimé la E. D'accord, d'accord. Donc ça fait D et A, ça vous va ? Oui. Alors la version D... a été enregistré en 1991, c'est David Zinman et l'Orchestre symphonique de Baltimore. Et la version A, qui est récente, enregistrée en 2017, c'est le London Symphony Orchestra, dirigé par Simon Rattle, pour LSO Live. Voilà. A et D, on se retrouve tout de suite pour le deuxième extrait de cette tribune sur Petrouchka. France Musique, la tribune des critiques de disques. Jérémy Rousseau. Cet après-midi, dans la tribune des critiques de disques, en compagnie d'Elisabeth Platel, Yannick Millon, Emmanuel Giuliani, nous écoutons Petrouchka, le ballet de Stravinsky. Vous pouvez réagir, comme chaque dimanche, sur le site de l'émission, sur radiofrance.fr, et tenter de gagner le coffret des Diapasons, la discothèque idéale de Diapason consacrée à Berlioz, un coffret de 10 CD, je l'ai dit. On va entendre dans quelques instants donc le deuxième extrait qui s'appelle la danse russe. Mais j'ai retrouvé, ce que je voudrais finir, je trouve ce petit témoignage de Debussy qui parle de Stravinsky. C'est absolument irrésistible. J'ai vu récemment Stravinsky, écrit Debussy, il dit « Mon oiseau de feu, mon sacre, comme un enfant dit « ma toupie, mon cerceau ». Et c'est exactement ça, un enfant gâté qui parfois met les doigts dans le nez de la musique. C'est aussi un jeune sauvage qui porte des cravates tumultueuses, baise la main des femmes en leur marchant sur les pieds. Vieux, il sera insupportable, c'est-à-dire qu'il ne supportera aucune musique. Mais pour le moment, il est inouï. Il fait profession d'amitié pour moi parce que je l'ai aidé à gravir un échelon de cette échelle du haut de laquelle il lance des grenades qui n'explosent pas toutes. Mais encore une fois, il est inouï. Voilà. Et ça continue, enfin, c'est assez savoureux. On va entendre donc cette danse russe. Alors, on se replonge, vous allez nous expliquer un petit peu Elisabeth Platel. Même si vous n'avez pas dansé le rôle de la ballerine, le rideau, donc le mage, fait lever ce rideau sur ces trois poupées à qui il a donné des sentiments humains. À quoi ressemble la chorégraphie de cette danse qui est le tube hein, de Petrouchka, cette danse russe célébrissime, qui d'ailleurs, je le signale, fait partie des pièces, des trois extraits du ballet que Stravinsky a adapté au piano en 1921 à la demande de Rubinstein. Ça débute par cette danse russe. Chorégraphiquement, qu'est-ce qui se passe sur scène, Elisabeth? C'est compliqué parce qu'en fin de compte, les trois poupées sont accrochées, elles sont soutenues sous les bras et elles ont toute la chorégraphie que les pieds. Que les pieds. Que les pieds, comme si elles n'existaient pas en fin de compte. Les pieds ne touchent pas le sol en plus. Donc c'est complexe. Ils dansent dans le vide ? Ils dansent dans le vide en étant soutenus sous les bras par une sorte de, comment dire, de trépied, quoi. Oui, oui. Et c'est très très compliqué comme chorégraphie. Alors quelque chose qui a révolutionné la danse à cette époque, c'est l'utilisation de la position parallèle. Complètement inverse de l'en-dehors. Expliquez-nous. Alors, la danse baroque a présenté l'en-dehors, qui est devenu après la marque de la danse classique, c'est-à-dire l'ouverture des jambes, l'ouverture des pieds. L'en-dehors venait des nobles qui présentaient les rubans de leurs chaussures. Et plus les rubans étaient beaux, plus il fallait les présenter. Et donc, en 1900, on est arrivé à une nouvelle position en parallèle. Et après, Nijinsky va utiliser même encore pire dans le Sacre du Printemps, l'en-dedans. Ouais. Donc là, ça a été certainement une révolution. C'est pour ça que pour moi, les ballets russes, c'est le début de la danse contemporaine. Oui. Et dans sa chorégraphie du Sacre, Nijinsky s'est inspiré bien évidemment et a poussé plus loin la chorégraphie de Fokine, de Petrouchka. Ah, le Sacre, c'est encore plus complexe parce qu'on dit que Stravinsky a énormément contribué. Il faudrait vraiment faire des grandes études et on ne sait pas ce qui reste vraiment du Sacre. Il y a eu une version qui a été remontée par Millicent Osdan qui, elle, a trouvé vraiment une reconstitution. Mais c'est très tribal. Oui. C'est très tribal, c'était terre à terre. Oui. N'oubliez pas que le 19e siècle, c'est l'élévation. On va vers le haut et là, on se retrouve dans le sol. Ce sont des humains, ce sont en plus avec les barbes, les cheveux longs, les maquillages. Enfin, c'est ça les ballets russes. C'est aussi là, la foule, ça va être des passants, ça va être... Il y a des personnages. Le marchand dont je parlais tout à l'heure, il est ivre. Il vient avec il y a toute une peinture d'une société qui s'amuse. Donc c'est très, très chouette comme évolution. Alors ils sont dans cette boîte, dans cette boîte, mais à un moment donné, ils sortent de la boîte. Et ils se retrouvent, donc, utilisant bien évidemment cette fois les bras. Ils sont, comment dire, sur le sol. Oui. Et ils gardent chacun leur gestuelle personnelle. Oui. C'est-à-dire le Petrouchka avec ce côté très poupée de son. Oui. Toujours avec des mouvements dont les bras se prolongent. La poupée très mécanique. Oui. Faut pas oublier qu'on a eu Coppelia 20 ans plus tôt, je pense, à peu près. J'ai plus exactement la date de Coppelia. Oui. Donc, il y a aussi ces héritages. Et le mort avec des mouvements très dans le sol. Alors lui, par contre, des positions en dehors, assises en grand plié seconde. On va imaginer tout ça, avec tout ce que vous nous avez dit maintenant, en écoutant cette danse russe, dans la version B. Thank you. Et on change de tableau. Voilà, on passe au deuxième tableau après, lorsque s'achève cette danse russe. Yannick Millon, c'était la version tout à l'heure, hein, la baie du cinéma angoissant, celui de Tim Burton notamment, macabre, verte, un peu raide. Vous la goûtez toujours autant, cette verdeur ici? Ah ben encore plus que le premier tour, oui. C'est complètement irrésistible, je trouve, dans cette version. Il y a un détaché des instruments qui est absolument grisant, le hautbois notamment, une ironie qui est à peu près constante. Et il y a vraiment le sentiment d'être face à une horlogerie sonore un peu à la manière de Ravel. Et il y a des prises de parole, du violon solo qui couine, qui se plaint, qui gémit, et le hautbois amplifie encore ça derrière. C'est très acéré, je trouve. Et dans cette version, ce qui est très bien, c'est que les timbres ne cherchent jamais à fusionner, parce que c'est pas du tout l'esprit. Ils se superposent, ils font des blocs et qui marquent par la verdeur et la couleur. J'ai pensé parfois au poussin des tableaux d'une exposition de Moussorgski, orchestré par Ravel. Moi, je la trouve complètement irrésistible, cette version. Oui. Emmanuel Gilani. Oui, elle continue à être tellement pittoresque au noble sens du terme, c'est-à-dire on voit ce qui se passe. Dans le premier extrait, l'espèce de tendresse triste me faisait penser à Fellini, là je vois Chaplin. Une espèce de virtuosité qui vous donne une impression de spontanéité totale. Et en effet, les instruments personnages prennent la parole, se relaient, et chacun comme si vraiment, il doit nous dire des choses, il ne peut pas s'en empêcher, alors on y va. Et tout ça réglé avec une horlogerie terriblement raffinée, mais au service de la vie, du jaillissement, de la spontanéité, du charme. Non, elle vous emporte. Oui. Elisabeth Platel, elle manquait de je crois de d'humour joie, et de joie tout crois. À l'heure, hein, au début. Ben là, d'abord, les personnages sont très très bien identifiés. Ouais. Les trois personnages, on voit vraiment, on les visualise très bien. C'est étonnant déjà. Après, je les trouve peut-être trop identifiés, ils sont presque trop humains. Ah oui. Je sais pas, j'aurais aimé le côté un peu dérisoire de la poupée. C'est voilà. En fin de compte, je suis très curieuse d'entendre les autres versions pour avoir un esprit de comparaison, pour voir comment on traite justement ces êtres qui sont des poupées, qui n'existent pas, mais qui en fin de compte représentent des sentiments. Ouais. C'est facile d'incarner des personnages comme ça ou pas ? Vous parliez de Coppelia. Ah ben Coppelia, c'est déjà, elle joue le rôle. Elle n'est pas une vraie poupée, tandis que là, c'est une vraie poupée. Ouais. Donc. Et des personnages qui sont des pantins comme ça. Je pense que le rôle de Petrouchka est un rôle extraordinaire pour un artiste, pour les garçons, parce qu'il y a aussi ce rapport au corps, où on doit donner l'impression que le corps est complètement en paille. Et il a des gants aussi, il n'a pas du tout de doigts. Donc ça crée aussi un manque d'expression. Il doit trouver l'expression dans autre chose, dans son corps. Il y a le maquillage, qui est quand même un maquillage de clown blanc, avec déjà la bouche qui est triste. Oui. Et il doit faire passer l'émotion au-delà du maquillage, au-delà du corps. Enfin, c'est un rôle extraordinaire. Et la scène d'après, le deuxième tableau, c'est très long comme solo. Oui. C'est très très long, avec beaucoup de différentes émotions. Il y a la révolte, il y a la tristesse, il y a l'amour, il y a l'espoir, pour finir finalement par crever le décor en se jetant sous le tableau du mage, qui fronce les sourcils. Qui fronce les sourcils, oui. Version C. Thank you. La version C, la version du confort. Séroboratif. Oui. Voilà. Voire un peu dopé, même. Voilà. Ouais. Mais bon, comme morceau de bravoure orchestrale, c'est tout à fait somptueux. Mais évidemment, en plus, comme toujours, comme on sort de l'écoute de la baie, où on avait ces personnages campés avec tellement de finesse, de tendresse, d'humour, mais aussi d'empathie, là, on entend de très, très beaux instruments, mais j'ai beaucoup plus de mal à visualiser des personnages avec voilà, tout ce qu'Elisabeth nous expliquait, c'est-à-dire ce mélange de mécanique, mais qui doit quand même vous émouvoir, vous interroger sur ce qui est humain, ce qui ne l'est pas, ce qui... Et là, je suis dans un somptueux confort moderne, emporté par une limousine magnifique au milieu des palmiers, mais je ne suis pas totalement sûre que ce soit le but recherché. Mais oui, voilà, vous nous avez expliqué des personnages, alors maintenant on se les imagine, Elisabeth Platel, et là, on les voit un peu moins, non ? Ce qui est amusant, c'est que moi, dans la C, j'avais mis que c'était très détaché et qu'on voyait tous les personnages. Et là, je les ai pas vus. Ouais. Je les ai pas vus. Par contre, j'ai entendu tous les instruments. Alors là, je me suis fait plaisir. J'ai entendu même des choses par en dessous. Enfin, j'ai eu envie de chercher les thèmes même qu'on n'entend pas toujours. Et puis, j'ai trouvé que le point d'interrogation avant le deuxième tableau, il est pas très mystérieux. Je ne sais pas comment le pauvre Petrouchka va amener son lamento au deuxième tableau. C'est trop brillant ? Un peu. Yannick Mignon, c'est une version qui manque de mystère ? Oui, c'est sûr, par rapport à la dramaturgie, bien sûr. Mais par contre, c'est une version, c'est la version symphonique idéale. Si on prend ça comme une pièce de concert, c'est absolument impeccable. D'autant qu'effectivement, on entend tout. On a une matière qui est plus généreuse aussi que dans la version précédente, mais une exécution qui est moins à la pointe sèche, beaucoup moins. C'est beaucoup moins millimétré aussi. Et puis on a ce xylophone dans la masse qui avait une couleur absolument jubilatoire dans la version précédente. Là, il ajoute un petit peu d'étrangeté dans la couleur globale, mais cette version est moins précise. Elle reste assez variée, mais il ne faut pas imaginer effectivement une vraie intrigue derrière. Ouais, un art des sons, mais par contre, c'est quand même extraordinairement poigné. Hein, c'est pas du tout, c'est absolument pas de la routine. Ouais. Bon. On passe à la suivante, qui est la E, puisque nous avons supprimé la version de Zinman, qui était la D. Voici la version E. La version E, elle est proche de la précédente, Elisabeth Platel, ou pas? Elle est détachée. Ouais. Elle est claire. Alors, c'était celle que j'avais qualifiée de téméraire. Oui. Là, je vais dire qu'elle est habile. Habile? Ouais. Elle est habile. Après, j'ai pas aimé le son du piano. Il est très présent. Hein. Ouais, il est trop présent. Par contre, j'ai aimé le violon. Ouais. Donc, ça, en fin de compte, c'est comme si on imposait un personnage. Là, il faut quand même. C'est la présentation des trois personnages, donc il faut qu'ils soient à égale valeur. Voilà, c'est habile. Ouais. C'est la version que vous hésitiez tout à l'heure, tous les trois, à la supprimer. Hein. Non? Un peu moins. Moi, je l'aime beaucoup. À vous, Emmanuel, vous l'aimiez beaucoup. Oui. Vous parliez tout à l'heure, Yannick, du risque du concerto pour piano. Mm-hmm. Là, on n'est pas loin, non? Ah, on n'est pas loin. Ouais. Et oui, comme Elisabeth, j'aime pas du tout cette couleur-là. Ça fait un peu saloon et je trouve que c'est complètement. Saloon. Il a pas l'air très très bien accordé. Donc, ouais. Piano un peu désaccordé, ça fait vite saloon. C'est le Stravinsky américain, en même temps. Hein, oui, c'est ça, mais c'est un petit peu trop tôt, du coup. Hein. et de manière générale, je le trouve. C'est même pas trop fort, mais trop en dehors de la masse. Il y a pas la communauté d'esprit avec le reste de l'orchestre. On a l'impression que c'est presque un peu trop concerto, alors que c'est pas particulièrement virtuose. Je trouve que le staccato du premier, de la première version, la version B, était bien meilleur. Mais cette version, je la trouve globalement un petit peu lente. C'est une danse un peu trop trapue et un peu univoque, je trouve, par moment, avec un certain manque de soutien quand il y a juste un instrument soliste et que ça doit tricoter en dessous. Bah, le tricot est un peu paresseux par moment. Ouais. Hein. Ça manque de vivacité. Oui, parfois, oui, c'est ça. Et ça manque d'innervation rythmique. Il n'y a pas l'innervation rythmique qu'il y avait à la fois dans la version B et dans la version C, dans un autre genre. Mmh. Mais il y a des couleurs intéressantes. Hein. Oui. Même question, Emmanuel, est-ce qu'elle vous l'a rapproché de la version B aussi, qui était celle un peu du grand confort sonore? Grand confort, c'est plutôt la C. La C, pardon, excusez-moi, la C. Non, parce qu'elle est beaucoup plus verticale et martiale comme elle était dans le premier extrait. Mais pourtant, ça me plaît. Elle a des choses qui ne me plaisent pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le piano l'une et l'autre. C'est vrai qu'il y a un côté très marqué qui peut être déplaisant, mais néanmoins, moi je l'aime beaucoup par ses contrastes. Je la trouvais extrêmement vivante, elle vous interpelle tout le temps, je vois la rue, je vois des expressivités différentes, contraires, voire un peu hostiles qui s'affrontent. Alors, peut-être hors de propos, mais elle tire par la manche en permanence. Mmh. Moi, je la trouve vraiment passionnante. Bien, bien. Bah, écoutez, très bien, c'est... Mmh. Vous l'avez défendue tout à l'heure, elle est restée. Et il nous reste. Mais si elle part au troisième tour, je serais très contente de savoir. Il reste encore la version qui défrise un peu Yannick. Hein. C'est la version F, parce qu'elle est celle de 1911. Je vous rappelle. Hein. Donc, dans cette danse russe. La version F. Alors là, on entend l'une des différences, notamment, c'est que la percussion continue lors du deuxième tableau. Oui, tout à fait. Et hors scène. Hors scène. Ce qui fait une grande différence, d'ailleurs, tout de suite. C'est un autre univers. Là, on est au théâtre. On est au théâtre. Tout de suite, grâce à ça. Et on continue de l'être quand même, la direction. Ah oui, oui, tout à fait. Là, il y a de l'opulence, mais qui est doublée, je dirais, du bon tricotage orchestral où rien n'est laissé au hasard en dessous. Mais tout de suite, oui, on se dit, cette version, elle est faite pour la scène. Elle est quand même très équilibrée et structurée, mais avec tout ce qu'il faut comme énergie en dessous pour que ça tienne. Il y a beaucoup de drive, même, je trouve, dans cette version. Et le tempo est absolument parfait. Et ce qui est beaucoup mieux que dans toutes les autres versions, à part peut-être la B, mais même, c'est la petite parenthèse, le Menomoso avec le dialogue entre la clarinette et le hautbois. Là, on a juste une parenthèse et pas un sous-film dans le film comme on a dans les autres versions. Oui. Ça ne s'épanche pas trop, c'est juste quelques mesures pour passer à autre chose et ça repart avec ce piano qui est très très bien, très bien équilibré par rapport au reste. Mais elle reste très russe, cette version. C'est une version russe pour vous ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Elle retrouve des couleurs en tout cas, parce que vous l'aviez un petit peu, vous l'aviez moyennement apprécié tout à l'heure dans le. Bah, disons que là, il y a pas le même écart dans l'orchestration qu'il y avait dans le premier extrait, mais non, elle a d'immenses qualités cette version. Puis ça amène autre chose. Oui. Emmanuel Johnny, vous continuez de l'apprécier. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Oui. Elle a une volubilité et puis alors une gestion de l'accélérendo. Mais quel chef ! Waouh ! Alors là, vraiment, on serre. Je trouve que c'est extraordinaire. Il y a un petit moteur qui est là en permanence, mais qui permet des moments sans que ça s'alanguisse, mais de poésie, ce que vous avez dit, Yannick. Et puis on repart. J'adore ce son de violonneux qui est totalement irrésistible et tout de suite fait naître les couleurs, les tableaux. Je vois les costumes, les lumières. Enfin, il y a de l'humour, du charme, un esprit d'enfance. Là, dans cet extrait, c'est vraiment très proche de la perfection. Justement parce que c'est pas parfait, c'est plein de couleurs partout. Ah, j'adore. Vous partagez ce que dit Emmanuel et Elisabeth. Je partage, on avait parlé d'opulence. Oui. C'est une opulence jubilatoire. Mm-hmm. Presque à l'extrême, même. On peut en être gêné à un moment, parce que c'est vraiment... Il y a tout. Ouais. Mais par contre, personne ne parle plus qu'un autre. Il n'y a pas de personnage mis plus en avant. Donc, il y a vraiment un bon équilibre entre les personnages. Ce qui est important à ce stade de l'action. Très important. Ouais. Le piano, en effet, est à son niveau par rapport à la version d'avant. Et le violon, en effet, a un côté justement folklorique. Ces violonneux qui sont dans les rues, on est tout à fait en Russie. Oui. Là, on est en Russie, on entend tout, encore les grelots. On va prendre la troïka dans pas longtemps. Oui. Pourtant, on est très loin de la Russie. Hein. Je vous le dis tout de suite. On est très loin de la Russie du côté du chef comme du côté de l'orchestre. Voilà. Ah, suspense. Oui. Je vous vois venir. On supprime laquelle pour le dernier extrait ? Pour moi, la E. Pour vous, la E. Elisabeth, moi la aussi. E. Manuel, ils ne sont pas sympas avec vous parce que vous aimez bien la E. Je l'aime bien, mais comme ça, je vais savoir plutôt de... Oui, moi, j'aurais peut-être supprimé la B, Non, la C, peut-être, non ? Je me rappelle plus très bien laquelle. La B. Oui, j'aime beaucoup la B. Oui, j'aurais supprimé attention. La C. Oui. Bon, la E. C'est la E. Allez. Yannick Mignon va nous dire qui est la version E qu'il a devinée. Non. Non, vous n'avez pas deviné ? Non, je crois pas. Vous avez trouvé le label déjà ? Decca. Decca. Voilà. Decca en 1980. Ah, donc c'est Dorati ? C'est Antal Dorati. Voilà. Antal Dorati à la tête de l'Orchestre symphonique de Détroit. Voilà. Ce n'est pas la première version de Dorati. Non. Ouais. Ça, c'est celle de 80. C'était la E. Eh bien, on va se retrouver pour le dernier extrait, qui est la fin du ballet, qui est la mort de Petrouchka, avec trois versions, les versions B, C et F. France Musique, la tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau. Alors, je retrouve dans ces chroniques de ma vie de Stravinsky, en page 48, cet hommage qu'il rend à Nijinsky, dit-il, hommage ému à l'exécution hors ligne du rôle de Petrouchka par Nijinsky, la perfection avec laquelle il incarnait ce personnage était d'autant plus surprenante que la partie purement saltatoire où il excellait ordinairement était cette fois-ci nettement dominée par le jeu dramatique, la musique et le geste. La richesse du cadre artistique imaginé par Benoît contribua puissamment au succès du spectacle. Ma fidèle et inimitable interprète Karsavina me jura de ne jamais abandonner ce rôle de ballerine qu'elle adorait. Seulement, Quel dommage que les mouvements de la foule aient été négligés, c'est-à-dire qu'au lieu d'être réglés chorégraphiquement d'accord avec les exigences si claires de la musique, ils aient été livrés à l'improvisation arbitraire des exécutants. Je le regrette d'autant plus que les danses d'ensemble, des cochers, des nourrices, des déguisés et celles des solistes doivent être considérées comme les meilleures créations de Fokine. Voilà ce témoignage de Stravinsky sur son Petrouchka. Alors, on va entendre la fin du ballet, la quatrième partie, la mort de Petrouchka et puis l'apparition du fantôme. Je vais me tourner à nouveau vers vous, Elisabeth Platel, pour que vous nous décriviez dans la chorégraphie de Fokine ce qui se passe sur scène à ce moment-là. Pendant toute cette reprise de la fête carnaval, il y a des danses extraordinaires. Alors, je suis étonnée que Stravinsky dise que ce soit pas réglé, parce que quand même, ces danses sont vraiment parvenues jusqu'à nous avec une véritable chorégraphie. Oui. Les cochers donc qui tapent leurs bottes pour enlever la neige, les nourrices avec les mouchoirs, on laisse aussi les vestes qu'elles donnent. C'est extraordinaire. Et puis, à le moment où la neige tombe, donc moi, là, c'est... je craque. Ouais, ouais. Et donc, il y a une agitation derrière le théâtre, où on voit les rideaux bouger, et on a le mort qui poursuit Petrouchka et qui va tuer Petrouchka avec son sabre en bois. La ballerine va sortir avec le mort, et là... le mage va arriver et dire à la foule, regardez, ça n'est qu'une poupée. Il va secouer la poupée en l'air. Donc là, il y a un petit subterfuge discret pour permettre aux danseurs de sortir sans que ça se voie. Et à la fin, il y a le fantôme de Petrouchka qui vient hanter ce mage. Sur la roulotte, on le revoit sur le... En haut, ouais, voilà. Ouais. Et qui finalement, sur la dernière note, s'écroule sur la rambarde. Ouais. Yannick Millon, c'est un autre versant du ballet qu'on entend ici. Il n'y a plus l'opulence. C'est très dépouillé. C'est très dépouillé. Et ça annonce le sacre. Ah, complètement. Ça mène droit au sacre du printemps. Ouais. Là, le basson est dans sa fonction, plus dans le grave, presque à faire la danse chinoise de Casse-Noisette. Mais on y va tout droit, là, cette fois. Hein. Bon. On va entendre trois fois cette scène dans les versions B, C et F. On les enchaîne et on commence par la B. Thank you. la version C. Et la version F. Thank you. trois fois la fin de Petrouchka. Et oui, on pleure. Pauvre Petrouchka. C'est la version F dans la version de 1911, je le rappelle. Et juste avant, la C et la B dans la version de 1947, donc la deuxième version de Stravinsky. Emmanuel Giuliani, je vois votre feuille, mais qui est plus rempli que d'habitude. Ah, c'est le bazar, c'est le bazar. C'est ça, c'est plus 1911. Mais il n'y a qu'une couleur aujourd'hui, je note, je dis pour les auditeurs. Ah oui, oui. Mais la prochaine fois, je peux. S'il vous plaît. Vos impressions. Alors, je mets vraiment beaucoup en dessous, pour l'émotion, en tous les cas, la version, que je ne me trompe pas dans les lettres, C, oui. Voilà, qui, comme elle nous a habitués dans les deux extraits précédents, très orchestrale, très élégante, des sons superbes, un basson dans lequel on peut se rouler, se lever, belle pièce pour orchestre, mais alors je n'ai pas été émue du tout. J'aurais du mal à départager la B et la F. Pour être un peu schématique et peut-être poursuivre cet extrait très vachard et magnifique de Debussy que vous nous avez lu, je dirais que la B, elle regarde vraiment vers le XXe siècle. Mm-hmm. Elle est assez inouïe, comme dit Debussy. Et la F, c'est un adieu bouleversant au XIXe. Je l'entends comme ça. Enfin bon, encore une fois, en schématisant, dans la B, et ce qui est extraordinaire, au début, on se demande si c'est un orchestre ou des bruits de machine. Je crois que le chef n'aurait pas, pas aimé entendre ça. Oui, peut-être. Mais ça crée un climat absolument incroyable. Et puis, la stridence, la fin totalement dérisoire et puis poignante à la fois, elle garde totalement sa cohérence et sa manière de faire apparaître des mondes, des personnages, des paysages. Je la trouve vraiment très, très belle. Et la F aussi, dans la continuité de ce qu'elle a proposé, avec toujours une tendresse. Et alors, je trouve magnifique la place qui est laissée au silence dans la version F et dans tout ce qui entoure les sons. C'est-à-dire, on a les sons, mais aussi l'air dans les interstices entre les instruments, au-dessus, à côté, en dessous. Donc, elle est vraiment un monde. Oui. Donc, j'ai beaucoup de mal à les départager. Peut-être la F. Peut-être la F, oui. C'est vrai parce que la F, la place laissée au silence, c'est justement celle à propos de laquelle vous disiez tout à l'heure, Elisabeth Platel, dans le premier extrait, je crois, que c'est la version des virgules qu'elle laissait. Non, c'était pas celle-ci ? Non, c'était pas celle-ci, mais j'avais dit que c'était la plus chorégraphique. La plus chorégraphique, d'accord. C'était la plus chorégraphique, oui. Ouais. Dans les trois versions, c'est amusant, comme en connaissant la chorégraphie, j'ai envie de dire que dans la F, c'est pas le même instrument qui fait la plainte de Petrouchka. Là, c'est le violon dans la F. Alors que les autres, c'est différent. Mm-hmm. Donc, il y a une distribution peut-être différente. Alors, il y en a... Bon, les trois sont merveilleuses. Hein. Et alors, moi, j'aimerais être chef d'orchestre pour faire juste les trois dernières notes. Ouais. Ah, j'aimerais être ça. Ça doit être extraordinaire de ménager le suspense. Et c'est en ça que faire Petrouchka, enfin, interpréter le rôle pour l'artiste, ça doit être l'attente et la communication avec le chef d'orchestre. Ouais. J'ai aimé dans la F l'apaisement avant l'apparition de Petrouchka. Il y a eu brusquement, après ce drame, qui est quand même la mort de ce Petrouchka, le mage qui arrive et qui fait sortir la foule, la scène est vide, et brusquement on se dit ça y est, le ballet est fini. Il y a un apaisement, mais il y a après. Et ça, j'ai trouvé que ça amène très très bien ce dernier cri, ce fantôme de Petrouchka, et musicalement, moi je pense à Tilda Spiegel. Oui, oui. Obligatoirement, oui. C'est chorégraphié par Nijinsky. Oui, oui. Les fameux pits de la fin, c'est la F qui les réussit le mieux pour vous ? Oh, tous ont une belle qualité. Ouais. Ils ont, parce que j'ai mis très bien, puis j'ai mis très très très très bien. En fin de compte, c'est comment c'est amené aussi, c'est ça. La qualité, elle est bien, mais après, c'est comment c'est amené. J'ai pas aimé trop la sonorité des plaintes de Petrouchka dans la baie. Le strident. La strident, c'était peut-être un peu exagéré. Ouais. Alors, on va demander à Yannick s'il a trouvé cette stridence exagérée. Exagéré, pas du tout, non, au contraire. Non, mais j'ai trouvé ça très bien. Sûr. Mais du coup, c'est vrai que la C se détache, mais par le bas de cette écoute un petit peu. Parce que là, on a de la magie des sons, sinon du climat. La plus grande différence. Je me sentais presque du côté de la fin du Mandarin merveilleux de Bartok dans cette version. Donc pas vraiment dans la même dans sphère. La C ? Oui, dans la C, oui, un peu plus. Ensuite, je mettrais au-dessus de la C, je mettrais la F, qui est alors dans cet extrait aussi subtile et raréfiée de climat qu'elle était opulente jusque-là. Il y a un vrai sentiment d'attente qui est assez extraordinaire dans cette version. Beaucoup de tension dans ces deux notes de basson pourtant. Hein, ce battement tonique dominante, il arrive à faire quelque chose de très bien. Et en respectant, que ne font pas les autres. Non, et en respectant exactement ce qui est écrit, ce qui m'oriente un peu vers un chef un peu ultra précis, qu'on n'imagine pas du tout russe, mais vous m'avez peu mis sur la... Non, mais je vous ai mis sur la voie. Vous m'avez mis sur la voie. Oui. Du coup, je pense un peu à Boulez avec New York, mais on verra bien. Voilà. Un chef qui ne regarde pas trop vers le passé. Justement, non, mais on est étonné des fois quand on l'entend. On est étonné, oui. Et la version B, pour moi, je trouve que c'est la plus extraordinaire parce qu'alors déjà, là, on a le sentiment que la Neva est gelée, qu'on peut passer dessus sans passer à travers, qu'il n'y a plus un moteur qui s'allume nulle part. Il y a quelque chose de très glacial dans cette version. Et puis, c'est la version où il y a le plus d'étrangeté, je trouve, et en même temps, une extraordinaire précision et caractérisation, par exemple, du basson. Et elle a une chose que n'ont pas les autres, je trouve aussi, c'est des silences assez terribles. Et alors, cette trompette complètement crucifiante, moi, ça m'a glacé, mais totalement. Donc voilà, toutes ces qualités-là m'orientent aussi vers une version particulière. Ah, mais vous avez deviné aussi. Sans doute Tancher et la Philharmonie tchèque. D'accord, bon, peut-être. Tout est dit déjà. Donc moi je dirais BFC en fait. Votre BFC pour vous, oui. Elisabeth, si vous devez choisir. FBC. FBC, Emmanuel Giuliani. Bah, j'ai du mal à départager F et B. Oui. Je sais pas. Oui. Alors sachant qu'on était parti sur la version de 47 et puis finalement c'est une version de 1911 qui risque de l'emporter. Ouais. Terrible. Oui. Enfin, on va voir, mais on était parti sur l'idée du ballet de 47, donc oui. Je ne sais pas si... Bon, mais en tout cas, elles sont... C'est extraordinaire, voilà. Les trois. Oui. Alors, la version C, version enregistrée en 1993 par Ricardo Chailly, à la tête du Concertgebouw d'Amsterdam. Et les deux autres versions, ben, Yannick Mignon les avait devinées. Pierre Boulez, en 1971, la F, avec le New York Philharmonic. Et la version B, l'orchestre de la Philharmonie tchèque, dirigé par Karel Anscherl, en 62 pour le label Supraphone. Puis on retrouve, alors, vous avez évoqué, je crois, au cours de l'écoute, les tableaux d'une exposition. C'est Mandarin, lui qui avait gagné, non, d'ailleurs, les tableaux d'une exposition. Je ne sais plus, mais je me rappelle aussi de sa grande version de Nevsky. Oui. Et quand vous parlez de l'étrangeté des sons, ce côté glacial, parfois, on est... Il y a ce style en chair, là, très particulier. Et c'est bien la version de 47, hein, contrairement à ce qu'on trouve ici et là, annonçant que c'est en chair, l'enregistrée la version de 1911, c'est bien la version de 47. Voilà. On écoute un extrait de cette version. Thank you. Thank you. Nous avons entendu un extrait de cette version qu'il emporte cet après-midi, mais très proche de la version F, hein, celle qu'il emporte, c'est donc la version B de la Philharmonie tchèque dirigée par Karel Hanschel en 62, donc version de 1947 de Petrouchka, de Stravinsky, et juste derrière, la version de Pierre Boulez, la première version de Pierre Boulez, hein, qu'il a refait bien plus tard, de 1971, à la tête du New York Philharmonic. C'est une version parue chez Sony. Merci à vous trois, cet après-midi, Emmanuel Giuliani, Yannick Millon, Elisabeth Platel. Un spectacle de l'école de danse qu'on peut annoncer maintenant, ou faut attendre encore un petit peu ? Faut attendre un peu encore. Au printemps, c'est ça ? Au printemps. Oui, bon. Merci en tout cas d'être venu. J'attends vos votes, hein, sur le site de France Musique. Et je vous rappelle, la discothèque Iliade de Diapason, volume 30, consacrée à Berlioz, 10 CD que vous pouvez gagner en nous écrivant jusqu'à mercredi soir minuit en votant sur le site de notre antenne. Merci à toute l'équipe technique cet après-midi. Jean Brémond pour la préparation de l'émission. Jean-Didier Cabanal au web. Cédric Chatelus à la technique. Lionel Quentin à la réalisation. Merci de votre fidélité. Bon dimanche et à la semaine prochaine. C'était la tribune des critiques de disques par Jérémy Rousseau. Bon réveil sur France Musique. À 7h, retrouvez Gabriel Oliver Aguillon et toute l'équipe de Musique Matin. Tout de suite, les grands entretiens. Bonjour, je suis Julien Chauvin, je suis violoniste et je dirige le concert de la Loge. Je suis né il y a bientôt 45 ans à Fontainebleau en 1979. Bonjour Julien Chauvin. Bonjour Christophe. Merci de nous accueillir dans votre appartement à quelques centimètres de Paris. Vous connaissiez déjà les grands entretiens ? Absolument, je les connais depuis très longtemps. Je les ai écoutés dans ma voiture, je dois dire, car France Musique est un partenaire régulier de mes trajets. Les grands entretiens, c'est un format qui permet un peu de faire le point sur sa carrière. Est-ce que vous sentez qu'on arrive au bon moment, nous, les équipes de France Musique, par rapport à votre carrière ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a un bon moment, je ne sais pas si non plus il y a un moment où on parle d'une carrière. Ce n'est pas forcément un mot que j'aime à employer. Disons que j'ai ma vie comme un tas d'autres musiciens, j'ai une trajectoire en effet, mais le fait que... qu'aujourd'hui, il y a ces grands entretiens. En tout cas, ça me réjouit peut-être de pouvoir partager les raisons pour lesquelles j'ai fait de la musique une préoccupation très nette dans ma vie. Une des premières fois où j'ai entendu parler de vous, c'était au moment du concert de la Loge Olympique devenant le concert de la Loge. Ça, évidemment, on aura le temps d'en reparler durant ce grand entretien. Mais déjà là... Est-ce que vous êtes maintenant au calme avec cette étrange décision du comité olympique de vous enlever un nom qui pourrait appartenir quand même à tout le monde ? C'est bien de parler de calme après, en effet, un petit moment de tempête, parce que il se trouve que j'avais déposé ce nom du concert de la Loge Olympique en mon nom, ici même à cette adresse. Et donc, c'est à cette adresse que je recevais les courriers des avocats me demandant, au début gentiment, de réfléchir, puis après, de manière un peu plus méchante, de me prévenir qu'ils allaient nous attaquer. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments un petit peu limites au niveau de la gestion du stress, parce qu'on démarrait une aventure musicale avec pratiquement aucun moyen financier et on se retrouvait face à un géant qui nous intimait en effet l'ordre de supprimer un mot qui nous semblait appartenir absolument au dictionnaire et au commun des mortels. Et on l'a vécu comme une, bien sûr, comme une grande injustice, parce que ça paraissait vraiment hors norme, hors raison, irraisonné, irraisonnable, déraisonnable. Et je crois que c'est ce qui nous a vraiment sauvés à l'époque, c'est les réactions des amis, des collègues autour de nous. Et même pas forcément des gens qui nous appréciaient forcément, hein, parce que quand on crée un orchestre, on se fait pas que des amis, hein, c'est toujours vu avec un petit peu de suspicion, d'envie, de jalousie. Et là, vraiment, il y avait un élan qui nous a porté, qui nous a soutenu, parce que c'était tellement illogique et tellement bête que ça nous a vraiment aidé à tourner la page. Au moment où on a décidé finalement qu'on n'allait pas se battre parce qu'on n'avait pas tout simplement 100 000 euros à mettre dans un avocat pour se dire on va gagner ce procès. Vous nous accueillez chez vous, je dois vous dire, ça me fait l'effet d'un cabinet de curiosité. Il y a des instruments qui sont tous en état de marche d'ailleurs. Ah non. Il y a plein de choses qui ne marchent pas mais qui sont belles parce qu'elles sont en bois. Enfin, le piano marche mais... Et je vois un buste à ma droite. Alors, est-ce que je me trompe si je pense que c'est Chopin? Voilà, mais... c'est ça. C'est Chopin. C'est Chopin. Et c'est un énorme buste. Il est en taille réelle. Il est assez impressionnant. En effet, c'est un jour, je me suis retrouvé dans une salle des ventes à Drouot, et puis il se trouve que je connaissais la personne qui vendait tous ces objets. Et à l'autre bout de l'appartement, il y a le moulage de la main de Chopin. Donc et j'ai pu acquérir dans cette vente des objets très intéressants et très forts. C'est un appartement qui vous ressemble. Je vois et de l'ancien et du moderne, mais et de l'ancien et du moins ancien. On parle de Chopin, mais je vois aussi des documents encore plus anciens. C'est votre univers à vous. Oui, je pense que j'ai très clairement une aversion pour une certaine partie de la modernité, le plastique, les choses neuves, avec des couleurs LED. Et j'ai besoin d'avoir autour de moi des choses belles, mais plutôt des choses qui ont vécu, qui sont même abîmées ou qui sont même cassées. Peut-être que... symboliquement, j'ai envie de les récupérer pour ne pas qu'elles partent soit la benne ou qu'elles soient déconsidérées. Et j'aime pas non plus, voilà, si j'achète un cadre et un tableau 18e, je vais pas aller le faire restaurer pour que la dorure soit parfaite. J'aime bien que ce soit ce que les gens appellent dans leur jus, les choses dans leur jus, c'est-à-dire comme si elles sortaient vraiment d'une malle. Ah oui, c'est vraiment la différence entre pièces de musée, oui, et pièces usuelles du quotidien. Oui, oui. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses qui m'entourent. Vous avez une idée de l'objet le plus ancien que vous avez chez vous ? L'objet le plus ancien, il est sous mon lit. Et c'est un objet de 1672. C'est la première affiche du premier spectacle de l'Académie royale de musique de Paris. C'est une affiche qui est très grande et qui est absolument rarissime parce que la Bibliothèque nationale de France n'a des affiches de l'Académie nationale royale de musique que à partir de 1750-60. Et là, on est 80 ans plus tôt. Donc c'est un ovni total, cette affiche. Voilà, que j'ai la chance de pouvoir regarder. Elle est en état parfait, elle est noire, c'est une gravure, hein. C'est sûrement la chose la plus ancienne, en effet. Ce qui, moi, m'a amené à être musicien et plutôt tourné vers des répertoires plus anciens que ceux du 18e ou du 19e, c'est parce que la musique, c'est, en tout cas pour moi, ce qui se rapproche le plus du voyage dans le temps. Et ma grande théorie, c'est que cette sorte de rêve enfantin de voyage dans le temps, c'est ça qui habite tous les musiciens qui pratiquent ce répertoire. Oui, en effet, comme on n'a pas le compositeur sous la main, comme on se pose des questions absolument à chaque mesure qu'on doit jouer quelque chose, comme on n'a pas la réponse, on est évidemment obligé de s'imaginer des choses. On se forge bien sûr une opinion sur un mode de jeu, un mode d'exécution, une sonorité. Mais le plus important étant de se recréer son propre monde. Et c'est là qu'on atteint très vite les limites de cette démarche d'authenticité ou de retour aux instruments anciens. Les instruments anciens nous amènent quelque chose, nous emmènent vers un mode de jeu, mais jamais vers la vérité. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'ils détiennent une vérité, soit parce qu'ils ont un savoir, soit parce qu'ils ont beaucoup étudié, soit parce qu'ils sont vieux, soit parce que... Et mon impression, c'est que vraiment, il y a surtout pas de vérité. Et de toute façon, personne ne pourra imaginer jouer comme à l'époque. Et ça, c'est un enjeu, je pense, très important. Mais avec quand même ce côté passionnant aussi de se dire que telle œuvre, on l'a jouée dans tel contexte, que ça s'inscrivait dans une certaine vie quotidienne qui est très différente de la nôtre. Vous lisez énormément de documents sur les pratiques de l'époque. Ça fait rêver quand même. Exactement. S'imprégner du monde de l'époque fait rêver, même si on a peu d'indices directs. Là, on a beaucoup, par exemple, d'indices vidéo de tout ce qui se passait au début du XXe siècle. On a des références, des enregistrements. Mais en revanche, quand on parle du XVIIe, du XVIIIe ou du XIXe, on est totalement dans un no man's land. On parlera de votre éducation musicale et de ce qui vous a amené à jouer un répertoire plutôt large. Mais vous avez déjà des premiers souvenirs de moments où vous vous êtes dit « je veux m'approprier un répertoire ancien ». Un répertoire ancien, ça c'est une bonne question. Quand on étudie, évidemment, on étudie sur des instruments modernes. On apprend déjà à s'approprier son propre instrument. Mais il y a un moment où j'ai quand même eu un choc esthétique et je devais avoir 15 ans. C'était Patrick Bismuth qui dirigeait un opéra de Handel dans un conservatoire à Boulogne. Et je dois dire, oui, en effet, que cette production où j'intervenais, enfin, j'étais dans l'orchestre, j'avais accepté. C'est un moment où là, j'ai quand même à la fois découvert cette musique, lui, sa manière de diriger, de chanter, les chanteurs aussi, c'est-à-dire que j'étais baigné tout de suite dans un opéra et pas dans une production d'orchestre ou instrumentale. Et là, quand même, je dois vraiment dire que ça a été un choc qui ensuite ne m'a jamais lâché. Après, c'est dire que j'avais envie de m'approprier ce répertoire. D'abord, il fallait le découvrir. Et puis après, il y a eu découverte plus du violon avec Fabio Biondi. Et puis après, de la musique, Nicolas Sarnoncourt et tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'entamer une trajectoire relativement jeune à 15 ans. Ouais. France Musique, les grands entretiens de Julien Chauvin. Dans votre foyer, chez Monsieur et Madame Chauvin, les auteurs de vos jours, c'était un foyer musical ? C'était pas un foyer musical comme on peut l'entendre avec des parents musiciens. Mes parents étaient juste mélomanes. Ils chantaient dans un chœur amateur. Et je pense que c'était finalement la plus belle éducation qui soit, c'est-à-dire l'amateurisme, aimer, chanter pour le plaisir. Et c'est vrai qu'ils m'ont très très vite, très tôt emmené à leurs répétitions. Je tournais les pages des pianistes, mais très tôt. Hein, et c'est vrai que ça, entre 5 et 12 ans, j'ai pu entendre toutes les œuvres du répertoire choral, les cantates de Bach, la messe en ut, le Requiem de Verdi, la petite messe de Rossini, les Passions. C'est vrai que j'ai été dedans totalement. Ce qui, je pense, était probablement la meilleure éducation. Et dans cette maison de Fontainebleau dans les années 80, c'était radio ou télé ? C'était micro-sillon. Ah oui ? Ah oui, c'était micro-sillon. Télé, oui, pour certains midem. À l'époque, il y avait c'était un peu les victoires de la musique de nos jours. Je me souviens encore très bien de certaines émissions que j'enregistrais, des Grappelli, des Rostro, Frank Peter Zimmermann et tout ça. C'était des musiciens extraordinaires, mais c'était quand même la tradition des micro-sillons, des premiers enregistrements de Zuckerman, des concertos de Tchaïkovski, des Stern. Oui, Pinchas Zuckerman dans Tchaïkovski, ça c'est un de vos premiers grands souvenirs, oui. C'est ça hein. C'était radieux, je pense, cette sonorité, cet orchestre, cette œuvre extraordinaire. Pour un tout jeune violoniste, parce que moi j'ai commencé tard le violon, j'avais 9-10 ans, donc j'étais encore plein de rêves. Ah oui, si tard que ça. Ouais. Mais vous aviez fait votre formation musicale avant. Et oui, j'avais commencé quand même le violoncelle à 5 ans, et puis le piano aussi à 5 ans. Et j'ai fait les deux. J'ai abandonné assez vite le violoncelle, mais j'ai tenu avec le piano assez longtemps. Mais le violon, oui, c'était plus tardif. Ça vous sert encore le piano, Julien Chauvin ? Oui, un tout petit peu, bien sûr, pour au moins. Travailler les récits, les récitatifs chez Mozart, et puis et ça donne quand même évidemment une base extraordinaire, harmonique. Ouais. Pourquoi vous avez abandonné le violoncelle pour le violon ? La prof était pas assez bonne. Ah oui. Je crois qu'elle était pas assez exigeante, et donc j'ai arrêté, et puis j'ai embrayé sur le piano. Donc ça, on est dans les années 80 à Fontainebleau. Absolument. Ouais. Et c'était un bon conservatoire à cette époque-là ? C'était une école de musique. Ouais. C'était une école de musique dans laquelle il y avait des professeurs quand même merveilleux. Mais c'est qu'un jour, je suis tombé sur un professeur totalement exceptionnel qui s'appelait Serge Garcia, qui était un violoniste de l'Orchestre de Paris, de l'Opéra, qui était une personnalité très particulière, qui d'ailleurs avait un magasin Opus de Saint-Ouen, qui était une personnalité atypique, qui était un très grand violoniste, très sensible, et j'ai clairement voulu commencer le violon pour lui et avec lui. Ah oui. Et donc comme c'était l'orchestre qui accompagnait le chœur de mes parents, ça s'est fait naturellement. Et vos parents n'ont jamais arrêté de vous encourager, d'ailleurs, j'ai l'impression. Non, ils ont été, bien qu'ils viennent d'un milieu de l'éducation nationale, d'études sérieuses, supérieures, ils ont très tôt respecté mes envies, parce qu'ils m'ont mis dehors quand j'avais 13 ans pour aller, pour que j'aille étudier en région parisienne. J'avais quand même fait très tôt le choix de partir, d'habiter tout seul, à l'âge de 13 ans, et ça, pour eux, je pense que ça a dû être quand même un gros sacrifice de voir partir un de ses enfants si tôt, mais je sais pas, ils avaient confiance, soit ils étaient, je sais pas, inconséquents, ils ont été très attentifs et très bienveillant. Le métier de la musique, c'est assez obscur. Hein. C'est-à-dire qu'on étudie, on passe des petits concours pour aller dans le petit conservatoire au-dessus. Moi, j'avais fait pour aller au CNR de Saint-Maur à l'époque. Les concours sont jamais assurés. Et même quand on rentre dans des conservatoires, on sait pas ce que c'est quand on est dans une vie normale, ce que c'est la vie d'un musicien, le quotidien d'un musicien. Donc là, c'est vrai que J'étais totalement dans le flou, eux aussi. Et très tard, j'ai eu une sorte de... pas de certitude, mais de positionnement dans lequel je pouvais me dire « Ah bon, je vais pouvoir vivre de la musique. » Et ça, c'est un déclic, c'est un moment où, qui est quand même assez extraordinaire de se dire « Voilà, là, je vais pouvoir vivre de la musique et faire de la musique tous les jours. » Seul, à 13 ans, à Paris. Oui, j'avais un petit studio. Mais je revenais le week-end. Oui, mais donc vous faisiez les courses tout seul. Je faisais les courses et j'avais mes 50 francs hebdomadaires. C'est quand même pas commun. Enfin, vos non, camarades... c'est pas commun, mais c'était, j'avais un logement qui était quand même un petit peu privilégié, à Bonneuil-sur-Marne. Et c'était pas facile, c'était pas forcément facile au début. Surtout que bon, le premier prof que j'ai eu m'a dit, au bout de 6 mois, bah, tu vois, c'est bien, tu joues bien, mais tu vois, je te verrais bien travailler dans l'administration d'un orchestre. Il m'a dit ça au bout de 6 mois. Bon, alors là, c'est vrai que j'ai commencé à me poser des questions et je l'ai assez vite quitté pour ensuite aller étudier dans un conservatoire d'arrondissement à Paris. Oui, donc vous n'étiez pas impressionnable au point d'être un peu ébranlé dans votre vocation. Non, je crois que... Non, je ne l'ai jamais été parce que j'ai eu beaucoup de revers, disons. Aussi dans les concours, j'ai jamais été pris dans aucun conservatoire national, ni à Paris, ni à Lyon, par exemple. J'ai raté 6 fois l'entrée au conservatoire. Donc, il y a un moment, il faut faire fi de tout ça. Mmh. Ça m'a permis aussi d'avoir cette possibilité de partir étudier à l'étranger, et qui était une solution absolument merveilleuse pour l'orientation que j'avais choisie. Mais non, il ne faut pas être trop impressionnable. Une sorte de portrait psychologique de Julien Chauvin qui se brosse. Mais d'ailleurs, ça, c'est une question peut-être un petit peu tarte, mais... Quand je vois que vous passez aujourd'hui et que vous avez passé des années le nez dans des écrits et des traités et des partitions, je me demande comment vous étiez à l'école et vous étiez déjà prêt à cet académisme. Alors, pas du tout. Alors, au début, en sixième, parce que j'ai des enfants là qui sont aussi en sixième, en quatrième. Donc, quand ils me demandaient mes notes en sixième, je leur montre mes bulletins avec plaisir. J'étais bon et tout ça. Mais après, c'est devenu une déchéance. Ma scolarité, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai baissé. Donc là, je leur montre plus du tout mes bulletins scolaires à partir de la quatrième. Surtout d'ailleurs, à partir du moment où j'ai vécu tout seul. Mais parce que la musique était là, me sauvait. J'étais aussi en horaire aménagé. Mais j'ennuyais mes professeurs au maximum. Et je travaillais peu. Enfin, ça me questionne aussi sur mes enfants qui me disent quel est le sens d'apprendre telle ou telle chose. Et c'est vrai que je me posais déjà ces questions d'apprendre telle formule mathématique quand je savais que j'étais déjà dans une voie musicale. Mais voilà, j'essaie de leur taire tout ça et de leur faire comprendre quand même que c'est bien pour le cerveau d'apprendre des choses. Mais non, j'ai pas été irréprochable. Thank you. C'est avec l'adagio du concerto pour violon en ré mineur RV 237 d'Antonio Vivaldi par Julien Chauvin et le concert de la Loge que se termine le premier épisode des Grands Entretiens avec Julien Chauvin. Rendez-vous demain pour le deuxième épisode, nous parlerons manuscrits. Merci à toute l'équipe des Grands Entretiens, Marie-Ferdinand, Pierre Villers, Loïc Duros et Mathieu Leroux. France Musique Augmentée. Toutes les émissions, les podcasts, des vidéos, 10 web radios, tout France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur France Musique après un beau week-end, je l'espère, et de belles vacances même pour les plus chanceux qui ont pu voir la neige et en profiter. Très très bon réveil. Heureuse d'être avec vous toute la semaine et pour commencer, je vous propose la musique de Fernande de Kruk, compositrice du début du XXe siècle qui a beaucoup, beaucoup écrit pour le saxophone. Thank you. La Pavane pour quatuor de saxophone de Fernande De Kruk, interprété par le quatuor Ellipsos, des musiciens que vous retrouverez à la Folle Journée de Nantes les 29, 30 et 31 janvier prochains. La météo d'aujourd'hui a un temps bien perturbé avec de la pluie et un coup de vent partout en France, des pointes même jusqu'à 120 km/h sur les départements de la Loire et du Rhône. Cette tempête Florian qui apporte aussi des pluies soutenues par l'Atlantique. Au sud-est, il pleut beaucoup sur les Cévennes et la région PACA. La neige, elle, va tomber au-dessus de 1600 mètres d'altitude sur les Alpes. Des averses fréquentes aussi, donc à noter sur la façade atlantique et au nord de la Loire, qui peuvent localement se mêler de grêle ou de neige, plus particulièrement près de la Manche. En revanche, il fera bien doux pour la saison de 6 à 15 degrés cet après-midi, du nord au sud. Merci d'écouter France Musique, il est tout juste 7h. Les informations vous sont présentées par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène, bonne année. Bonjour Gabriel, bonne année, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy a-t-il accepté de l'argent de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007 ? La question est au centre du procès qui s'ouvre aujourd'hui et pour 4 mois devant le tribunal correctionnel de Paris. Pour la première fois depuis le début de ses déboires judiciaires, l'ancien président de la République comparaîtra avec un casier définitivement condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique dans l'affaire dite des écoutes. À ses côtés, 11 autres prévenus, dont 3 anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Les agriculteurs de la coordination rurale tentent de rejoindre Paris pour exprimer leur mécontentement. Ils dénoncent toujours l'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur, un mouvement de protestation organisé juste avant les élections aux chambres d'agriculture où le deuxième syndicat agricole français espère gagner en influence. Hier, quelques convois de tracteurs se sont ébranlés depuis différentes régions de France, mais aucun n'est entré dans la capitale bloqué par les gendarmes. Le budget 2025 au programme des ministres de l'économie, Éric Lombard, et des comptes publics, Amélie de Montchalin. Ils reçoivent les forces politiques cette semaine. Le Modem ouvre le bal ce matin à 9h, puis ce sera au tour des socialistes, les communistes, les écologistes et le Rassemblement national seront reçus plus tard dans la semaine. Sollicité, LFI n'a pas encore indiqué si elle participerait. Marine Le Pen à Mayotte jusqu'à demain. Arrivée hier en fin de journée, la chef de file des députés RN entame ce matin une journée marathon à la rencontre des sinistrés du cyclone Chido. Dès les premières heures de son déplacement, elle a donné le ton. Le gouvernement ne va pas assez loin sur la question migratoire, a-t-elle estimé. Forte perturbation dans le trafic SNCF ce matin à cause de la tempête Florian. Dans les 21 départements placés en vigilance orange au vent violent, certains trains seront retardés voire annulés. Aucun train direct par exemple entre Paris, Limoges et Toulouse ou encore pas de TGV au départ de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps avant cet après-midi 16h. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut rencontrer le futur président américain Donald Trump pour s'accorder sur un plan de paix avant toute négociation avec le président russe Vladimir Poutine. Trump et moi parviendrons à un accord et je suis sûr qu'il pourra offrir des garanties fortes de sécurité avec l'Europe, a-t-il déclaré dans une interview avec un podcasteur américain. Et enfin, Emilia Pérez de Jacques Audiard, honorée au Golden Globes, l'Odyssée musicale du cinéaste français sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain, a notamment raflé le prix du meilleur film en langue étrangère, de la meilleure comédie et un Golden Globe du meilleur second rôle féminin pour Zoé Saldana. Plusieurs récompenses également pour The Brutalist de Brady Corbet, meilleur réalisateur, meilleur film dramatique et meilleur acteur pour Adrien Brody. A noter encore que Demi Moore est sacrée meilleure actrice dans une comédie pour son rôle dans The Substance, la fable horrifique de la réalisatrice française Coralie Farjat. France Musique, 7h03 à 8h30. C'est la chanteuse, auteure et compositrice Marion Rampal qui sera votre invitée, Gabrielle. Une très belle voix avec nous, effectivement, en direct. À tout à l'heure, Marie-Hélène Duvigneau. 7h30. Merci d'écouter France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et j'aurai le privilège et la joie de vous réveiller toute cette semaine. Le temps de quelques heures de sommeil en plus pour notre cher Jean-Baptiste Urbain. Du jazz pour commencer la semaine, effectivement, à 8h30. Notre invitée Marion Rampal, chanteuse, auteure, compositrice, qui sera en concert vendredi à Paris. Et puis, une tournée dans toute la France à venir avec son nouveau disque. 7h40, au fil de l'actu, comment protéger la tradition musicale afghane à l'ère des talibans ? Réponse avec Sylvain Roy, docteur en musicologie, spécialiste du rubab, cet instrument de la famille du luth d'Asie centrale, interdit en Afghanistan, qui vient d'être inscrit au patrimoine immatérielle de l'UNESCO. À 7h50, la voix mystère. À reconnaître pour tenter votre chance, gagner des disques à votre tour. À 8h03, le bac du matin. 8h10, la revue de presse. Et à 8h20, maxi classique de Max Dosolm, les visions mystiques d'Alexandre Scriabine. Vous avez notre programme, soyez les bienvenus. Musique Matin, Gabriel Oliver Aguillon. 2025, des bonnes résolutions, des changements de prévus et puis d'autres choses qui ne changent pas. Débuter la journée du bon pied pour s'assurer que le monde ne va pas si mal. Voici Jean-Sébastien Bach. Thank you. l'Allegro, le premier mouvement du concerto pour piano en ré mineur, BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach. L'interprétation de l'ensemble Backstage, dirigé par Léo Margue, et au piano solo, Francesco Tristano. Merci d'écouter France Musique, 7h12. Musique Matin, Gabriel Oliver Aguillon. Notre nouveauté de disque est consacrée à Claude Debussy, mais c'est un événement parce qu'il s'agit du premier enregistrement mondial sur le piano du compositeur, un piano Blüthner qui lui a appartenu. Il l'a acheté en 1904 en Allemagne. Il va l'utiliser pendant près de 15 ans jusqu'à sa mort en 1918. Au piano pour cet enregistrement, le pianiste français François Dumont, Debussy, Clair de Lune, le titre de ce disque, paru sur le label La Musica il y a 2 mois, au programme Les Estampes, Suite Bergamasque, Berceuse héroïque, La plus que lente et Les Children's Corner, comme à la recherche d'un son perdu, ce piano conservé aujourd'hui à Brive-la-Gaillarde. Ça a été un choc esthétique pour le pianiste, raconte-t-il dans le livret, une envie de s'en approcher, de retrouver la sonorité qu'a pu entendre Debussy il y a 120 ans, une magie, presque un monde lointain, un fondu des sons, vous l'entendrez, qui nous porte à tendre l'oreille. François Dumont, qui bien sûr une fois encore humblement joue des couleurs et des nuances, des tempi aussi, celles recherchées par Debussy en son temps sur ce piano. Regardez par la fenêtre et observez les flocons de neige de Snow is Dancing, extrait des Children's Corner que Debussy compose pour Chouchou, sa fille adorée, en 1908. Elle avait 3 ans. Je vous propose un deuxième extrait tout de suite de ce disque de François Dumont, au son particulier, une vibration chaleureuse. Rajout d'ailleurs dans ce piano Blüthner d'une 4e corde non frappée par le marteau qui résonne par sympathie, un piano que Debussy a acheté puis conservé. Ce son précieux que nous sentons beaucoup avec émotion, une tendresse ressentie par le pianiste François Dumont. Le voici donc de nouveau dans le joyeux passe-pied de sa suite Bergamasque. Thank you. François Dumont sur le piano Blüthner de Debussy dans ce passe-pied de la suite bergamasque du compositeur. Extrait du nouveau disque du pianiste paru sur le label La Musica, paru en novembre. François Dumont qui sera en concert le 18 janvier dans quelques jours pour un récital Liszt et Schubert à Dinard. Et puis le 25 janvier à la Philharmonie de Paris et à Colmar le 2 février. Je vous souhaite un très très beau réveil. Musique Matin. Le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love, que nous avons beaucoup entendu chanter par Nat King Cole, et là à l'instant Grégory Porter sur France Musique. L'Orchestre National de France, l'un de nos orchestres maison, lui, est en tournée. Toute cette semaine, c'est le grand tour du national, à commencer ce soir par Equinox, la scène nationale de Châteauroux, puis la Maison de la Culture de Bourges demain, l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône mercredi, à Grenoble la MC2 jeudi, et puis l'Opéra de Vichy le 10 janvier, donc ce sera vendredi, avec évidemment son directeur musical Christiane Matchelaru et le Janoska Ensemble que vous avez pu entendre dans un très très beau programme festif lors du concert du Nouvel An le 31 décembre dernier. Thank you. L'Orchestre National de France, l'un des orchestres de notre Maison Ronde, dirigé par Christiane Matchelarou, dans l'Allegro Molto de la symphonie en La majeure de Camille Saint-Saëns. L'Orchestre National de France, donc, toute cette semaine en tournée partout en France. A tout de suite. Les trésors de France Musique par Françoise Monteil, du lundi au vendredi à 22h30. Pierre Boulez est à l'honneur de nos archives en ce début de semaine dans un entretien que Laure Adler avait recueilli pour France Musique en 2007. Le compositeur du Marteau sans maître y retrace son parcours, ses influences et ses engagements. Il nous parle aussi de sa démarche créatrice et nous dévoile sa conception de l'interprétation musicale. Un magnifique portrait de Pierre Boulez à ne pas manquer. Les trésors de France Musique, une émission à retrouver sur le site et l'appli Radio France. Des températures douces pour la saison ce lundi 6 janvier, 8 degrés à Rouen, 9 à Paris, 10 à Nantes, 11 à Biarritz, 15 à Lyon et Marseille et 16 degrés à Ajaccio. En revanche, la tempête Floriane qui apporte un temps bien perturbé, bien gris, avec de la pluie et un violent coup de vent, des rafales jusqu'à 120 km/h à la mi-journée sur les départements de la Loire et du Rhône. Il est 7h30. Sur l'actualité avec Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Des agriculteurs de la coordination rurale, deuxième syndicat agricole français en route depuis différentes régions vers Paris où ils comptent exprimer leur colère cette semaine. Leurs convois de tracteurs sont pour l'instant bloqués par les forces de l'ordre. Coutumière des actions coup de poing, la coordination rurale veut obtenir des garanties du Premier ministre pour la protection des petits exploitants qu'elle estime broyés par le libre-échange. Encore un procès pour Nicolas Sarkozy, l'ex-chef de l'État est attendu au tribunal de Paris cet après-midi pour répondre pendant 4 mois aux côtés de 11 autres prévenus, dont 3 anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth, d'accusations de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. C'est le 5e procès en 5 ans de Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique dans l'affaire dite des écoutes, une sanction inédite pour un ancien président. Début ce matin des rencontres entre les ministres de l'économie, Éric Lombard, et des des comptes publics, Amélie de Montchalin, avec les différents partis politiques pour préparer le budget 2025. Un budget qui, selon Amélie de Montchalin, prévoira un déficit n'excédant pas significativement les 5% du PIB. Et enfin, beau succès pour Emilia Pérez. Le film de Jacques Audiard décroche 4 récompenses aux Golden Globes, l'antichambre des Oscars à Hollywood, dont celui du meilleur film en langue étrangère, de la meilleure comédie et un Golden Globe de la meilleure actrice pour un second rôle pour Zoé Saldana. À suivre, Gabriel, comment protéger la tradition musicale afghane à l'ère des talibans? Réponse dans le fil de l'actu à 7h40. Merci beaucoup Marie-Hélène Duvigneau. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Thank you. La romance du quatuor à cordes en mi bémol majeur de Fanny Mendelssohn, arrangée pour quatuor de clarinette, arrangement de Laurent Arandel, quatuor de clarinette intitulé Le Quatuor Enchanté, fondé il y a presque 25 ans. Les musiciens qui seront demain mardi à 12h30 à la scène musicale à Boulogne-Billancourt dans le cadre des Impromptus du mardi, concert gratuit sans réservation pour un programme Opéra sans diva, acte 2 de multiples voix qui rendent justice à certaines pages les plus emblématiques du répertoire lyrique, mais donc aux clarinettes, concert accessible aussi au public sourd et malentendant. Il est 7h39, tout de suite c'est notre fil de l'actu. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon. Bonjour Sylvain Roy. Bonjour. Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes docteur en musicologie, spécialiste du rebab afghan, cet instrument qui ressemble au luth, qui vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un instrument d'Asie centrale, joué dans plusieurs autres pays, mais interdit en Afghanistan. Vous avez écrit une thèse sur cet instrument, Sylvain Roy. Le rebab, en fait, c'est plusieurs instruments, c'est ça ? Comment le définir ? Alors, pour désigner ce qu'est un rebab, On a donné donc un cahier des charges, des éléments qui nous permettent de le repérer. Il s'agit principalement d'un luth qui est joué en Asie centrale, dont les cordes sont pincées et la table d'harmonie, cette grande partie de l'instrument sur laquelle repose le chevalet, est constituée d'une peau. Alors c'est d'une peau animale qui peut être du chevreau, du serpent, du cheval, selon les régions. Il existe différents types de roubab, de luth roubab, et l'un de ces instruments, l'un de ces luths, porte le nom de roubab afghan. Mmh. On va en écouter d'ailleurs quelques secondes déjà pour se mettre dans l'esprit. Afghan de la ville d'Herat, Mohamed Rahim Kouchnawaz, et son roubab afghan. Sylvain Roy, vous êtes avec nous. Les talibans ont repris le pouvoir en août 2021 et ils ont notamment interdit la pratique de la musique. Est-ce que c'est cette situation qui a poussé l'UNESCO à inscrire au plus vite justement ce roubab dans son patrimoine immatériel ? Alors, je ne sais pas. Avec une délégation afghane installée sur Paris, on a constitué un dossier pour justement inscrire le roubab afghan en termes de patrimoine en danger, patrimoine mondial intangible, immatériel, en danger. Et le dossier n'a pas été accepté. Mais en parallèle, a été acceptée cette proposition d'inscription du luth roubab dans sa globalité. Est-ce que selon vous, quand même, ce classement à l'UNESCO peut avoir un impact, ou est-ce que c'est purement symbolique, ce qui est déjà très bien aussi? Alors, au niveau de l'inscription de l'UNESCO, c'est pas très très clair. En fait, il y a énormément de confusion et il faudrait reprendre le dossier et le clarifier. Par exemple, les Afghans n'ont pas compris pourquoi leur instrument, le roubab, se trouvait être joué en Ouzbékistan, au Tadjikistan, en Iran. Ils ont eu l'impression qu'on les avait dépossédés. Donc j'ai été obligé de leur expliquer qu'en fait, il s'agissait du terme générique roubab. Parce que c'est vrai qu'il est joué sur un large territoire qui va de l'Ouzbékistan à l'Inde, à l'Iran même. Oui, jusqu'à l'Iran. Et voyez, l'Iran a inscrit lui aussi le roubab, mais parmi les roubabs, ils ont oublié de mentionner cet instrument que l'on appelle le tar, qui est aussi un roubab. Donc il y a vraiment à reprendre le dossier de l'UNESCO, de sorte à le clarifier et qu'il n'y ait plus de confusion et d'erreur. L'UNESCO dites-nous, Sylvain Roy, oui. Oui. Alors, oui, quel impact cela va pouvoir avoir ? Eh bien, effectivement, si c'est accompagné d'actes de valorisation et de soutien, dans le cas du roubab afghan, hein, c'est le seul le seul luth roubab qui soit réellement en danger. Hein. Les autres roubabs, que ce soit le Kashgar roubab de l'Ouzbékistan ou la version afghane ouzbek de ce roubab, il n'y a aucun souci. Eux, ils sont pleinement joués dans ces pays. Hein. Même chose pour le Tadjikistan. En Iran, le tar rayonne, mais en Afghanistan, le roubab afghan est menacé. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi la sarinda afghane qui n'existe plus. L'un des derniers musiciens, par exemple, dans les hauteurs du Badarchan, un joueur de rija, qui est un instrument dont l'organologie est proche de celle du roubab afghan, a été assassiné le 25 août 2021. Il s'agit de Fawad Andarabi. Ce musicien a été assassiné par les talibans pour le simple fait qu'il jouait d'un instrument. Mmh. Certains musiciens ont, eux, réussi à fuir l'Afghanistan. La pratique du roubab afghan continue de perdurer, donc hors des frontières afghanes. Complètement, oui. Donc, parmi ces musiciens, il y a Oustad Fazel Sapand, qui est il vient lui aussi de Herat, comme Mohamed Chaim Rojnawaz, dont on vient d'entendre la musique. Il est actuellement réfugié à Lisbonne, au Portugal. Et donc, c'est un brillant polyinstrumentiste. Il avait à Herat une académie de musique qu'il a été obligé de fermer parce qu'il était menacé, et il a fui le pays avec l'aide de Mohamed Sarmast, un docteur lui aussi en ethnomusicologie afghan basé en Australie. Un ensemble de musiciens les ont accompagnés. Ils étaient pas loin de 300, notamment l'académie de musique de Kaboul, et ils se retrouvent tous à Lisbonne avec différents ensembles de musique, dont un ensemble fait constituer de jeunes musiciens, de mineurs. Donc la musique afghane, elle est portée par ces musiciens qui ont réussi à fuir le pays. Mais ces mêmes musiciens, une fois en Occident, donc que ce soit en Europe ou dans d'autres pays, se retrouvent confrontés à deux problématiques, celle de la subsistance. Donc ils font des travaux et n'ont pas le temps de pratiquer leur instrument. Et puis, face à eux, il n'y a pas forcément ce public, le public afghan qu'ils avaient du temps où ils étaient dans leur pays. Et donc, du coup, la pratique, même dans un pays libre, vient en être menacée. C'est la discussion que j'avais eue avec Fazel Sapand. Donc, c'est un chanteur avec lequel on a monté un trio où on s'est produit en France, notamment du côté de Nice. Et il me disait, je ne peux pas jouer de ma musique, j'ai quitté un pays en guerre, enfin, avec l'arrivée des talibans, et je ne peux pas vivre de ma musique, même au Portugal, parce que les occasions sont tellement rares. Et il a même songé à retourner en Afghanistan. Et d'ailleurs, il y a donc la pratique, mais il y a aussi la fabrication de cet instrument. Il y a encore des ateliers là-bas dans le pays. Comment ça se passe avec cette interdiction ? Alors, concernant cette interdiction, donc j'ai posé la question à une grande famille de luthiers. Je ne pourrais pas dire le nom à l'antenne, puisque vous comprendrez qu'ils pourraient être directement menacés. Et je leur ai posé la question, qu'en est-il ? Comment vous faites ? Parce que c'était leur subsistance, hein, fabriquer des instruments qu'ils exportaient dans le monde. Hein. Donc ils m'ont répondu, ben oui, c'est extrêmement compliqué, mais on arrive à trouver des petits chemins détournés. Par exemple, il y a un luthier qui, lui, fabrique certaines parties de l'instrument dans le pays, les fait passer la frontière à ces éléments, et ils sont finis d'être assemblés à Peshawar, au Pakistan. Là aussi, on a une forte communauté afghane, notamment de celle qui a émigré lors de la première invasion des talibans, mais même avant, pendant la guerre civile en Afghanistan, et qui y est restée. Et donc l'instrument est terminé à cet endroit-là, à Peshawar, par des luthiers, là aussi spécialisés. Et puis après, ils sont exportés dans le monde. Merci beaucoup, Sylvain Roy, d'avoir été avec nous pour nous parler de ce roubab afghan, pour que cet héritage ne se perde pas. Nous écoutons justement encore un autre musicien afghan en exil, Nassim Khushnawaz. Merci, Sylvain Roy, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, à vous aussi. Au revoir. trois instruments ici, le tabla, doutar et roubab dans ce titre Layli, Layli, un enregistrement de 2022 fait en Iran. Tout de suite, bien, c'est l'heure de jouer. Musique matin. Nous vous proposons ce matin de gagner l'intégrale des symphonies de Beethoven, en tout cas le volume 1, symphonie numéro 1, 2 et 4 de Beethoven, paru sous le label B Records avec l'orchestre Consuelo de Victor-Julien Laferrière. Un enregistrement en public l'été dernier, en tout cas en 2023, à l'abbatiale Saint-Robert dans le cadre du Festival de la Chaise-Dieu. Pour le recevoir chez vous, bien sûr, notre adresse musiquematin@radiofrance.com. N'oubliez pas vos coordonnées complètes. Vous devez deviner notre voix mystère. J'ai 22 ans, je suis de New York, ma mère est française de Paris. J'ai servi en Vietnam avec l'armée américaine pour 15 mois et je rentre aux États-Unis il y a 6 mois. Ça m'a changé, ça change beaucoup de garçons. Il y a beaucoup de drogue là-bas, on fume beaucoup, tous les jours, on fume dans le combat et hors de combat. On a vécu comme des barbares là-bas. C'était une vie épique et avec du danger. La voix d'un producteur et cinéaste franco-marocain. Vendredi à la même heure, nous écoutions la voix de Jesse Norman. Upon the sweetest summertime in the middle of the morn, a pretty damsel I espy, the fairest ever born, and sing blown away the morning dew, the dew and the dew, blown away the morning dew, how sweet. She gathered to her lovely flowers and spent her time in sport, as if in pretty Cupid's bow she daily did resort. And sing blown away the morning dew, the dew and the dew, blown away the morning dew, how sweet the winds do blow. The yellow cowslip by the brim, the daffodil as well, the timid primrose pale and trim, the pretty snowdrop bell, and sing blow away the morning dew, the dew and the dew, blow away the morning dew, how sweet the winds do blow. And ever, ever, as she did those pleasant flowers pull, she raised herself and fetched a sigh and wished her apron full, and sing blow away the morning dew, the dew and the dew, blow away the morning dew, how sweet the winds do blow. Then did I offer her to pluck of every flower that grew, no herb nor flower then I missed, but only bitter rue, and sing blow away the morning dew, the dew and the dew, blow away the morning dew, how sweet the winds do blow. Both she and I did bow in pain to gather quite a store, until the modest maiden said, kind sir, I have no more, and sing blow away the morning dew, the dew and the dew, blow away the morning dew, how sweet the winds do blow. Yet still did I with willing heart essay some more to pull, no thank you sir, she said, we part, because my apron's full, and sing blow away the morning dew, the dew and the dew, blow away the morning dew, how sweet the winds do blow. She's gone with all those flowers sweet of white, of red and blue, and unto me about my feet is only left the rue, and sing blow away the morning dew, the dew and the dew, blow away the morning dew, how sweet the winds do. Blow. magnifique ballade anglaise Blow Away the Morning Dew par le luthiste Desmond Dupré et le contre-ténor Alfred Deller. Je reviens sur la voix mystère du jour, je crois que j'ai dit franco-marocain, pas du tout. Producteur et cinéaste franco-américain, il a reçu deux Oscars, l'un en 1989 et l'autre en 1986. Je vous souhaite un excellent réveil, bienvenue si vous allumez tout juste la radio. Enregistrement public à Francfort en 97, Michel Petrucciani au piano dans son titre absolument sublime, Brazilian Like. À 8h30, nous aurons le plaisir tout à l'heure de recevoir la chanteuse de jazz, pop, poétique, folk, Marion Rampal. Elle viendra nous présenter son dernier disque et puis nous parlera de sa tournée en France à venir. Nous revenons dans une poignée de secondes. Radio France et France Télévisions présentent ici. Le média de la vie locale, à la télévision, à la radio et sur le web. Ici, c'est le média qui parle d'ici, de notre quotidien, de tout ce qui se passe dans notre région, notre ville ou encore notre village. Parce que vivre au même endroit est aussi important que vivre au même moment. Ici, le média qui vit comme nous, ici. Bienvenue sur France Musique en ce lundi 6 janvier. Très heureuse d'être avec vous toute la semaine pour Musique Matin à 8h20 dans une vingtaine de minutes. Maxi Classique par Max Dosolme pour les visions mystiques d'Alexandre Scriabine. Et puis à 8h30, je vous le disais, l'invité du jour en direct avec nous, la chanteuse, auteure et compositrice Marion Rampal, artiste vocale aux Victoires du Jazz en 2022. Elle sera en concert très prochainement au Théâtre de l'Athénée à Paris et en tournée dans toute la France dès la semaine prochaine avec son trio guitare, contrebasse, batterie. Elle viendra nous parler de son nouveau disque. Merci d'écouter France Musique. Donc, il est 8h. Le journal vous est présenté par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy de nouveau devant la justice à partir d'aujourd'hui pour répondre d'accusations de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. Il encourt 10 ans de prison, 375 000 euros d'amende ainsi que jusqu'à 5 ans de privation de ses droits civiques. À ses côtés, pendant les 4 mois que doit durer ce procès, 11 autres prévenus, dont 3 anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Pour son 5e procès en 5 ans, Nicolas Sarkozy comparaîtra définitivement condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique dans l'affaire dite des écoutes du jamais vu pour un ancien président. Les agriculteurs de la coordination rurale dénonçant toujours l'accord commercial UE-Mercosur tentent depuis hier de rejoindre Paris mais sont bloqués par les forces de l'ordre. Le syndicat menace ce matin de forcer les barrages. Cette nouvelle mobilisation intervient juste avant les élections aux chambres d'agriculture où le deuxième syndicat agricole français espère gagner des points. La préparation du budget 2025 au programme des ministres de l'économie, Éric Lombard, et des comptes publics, Amélie de Montchalin. Ils reçoivent les forces politiques à partir d'aujourd'hui. D'abord le Modem dans une heure, puis ce sera au tour des socialistes. Pour les communistes, les écologistes et le Rassemblement national, ce sera plus tard dans la semaine. LFI n'a pas encore indiqué si elle participerait à ces rencontres. Forte perturbation dans le trafic SNCF ce matin à cause de la tempête Florian dans les 21 département placé en vigilance orange. Certains trains sont retardés, voire annulés. Aucun train direct, par exemple, entre Paris, Limoges et Toulouse, ou encore pas de TGV au départ de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps avant cet après-midi, 16h. Le Hamas se dit prêt à libérer 34 otages israéliens d'une liste fournie par Israël dans la première phase d'un accord d'échange de prisonniers. Israël affirme de son côté n'avoir toujours pas reçu de liste de la part du mouvement palestinien. Volodymyr Zelensky veut rencontrer le futur président américain Donald Trump pour s'accorder sur un plan de paix avant toute négociation avec le président russe Vladimir Poutine. Trump et moi parviendrons à un accord et je suis sûr qu'il pourra offrir des garanties fortes de sécurité avec l'Europe, déclare le président ukrainien dans une interview avec un podcasteur américain. Et enfin, à 2 mois des Oscars à Hollywood, Emilia Pérez de Jacques Audiard décroche 4 Golden Globes. L'odyssée musicale du cinéaste français sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain a notamment raflé le prix du meilleur film en langue étrangère, de la meilleure comédie et un Golden Globe du meilleur second rôle féminin pour Zoé Saldana. Plusieurs récompenses également pour The Brutalist de Brady Corbett, meilleur réalisateur, meilleur film dramatique et meilleur acteur pour Adrien Brody. A noter encore que Demi Moore est sacrée meilleure actrice dans une comédie pour son rôle dans The Substance de la réalisatrice française Coralie Fargeat. Et dans votre revue de presse de 8h10, justement Gabriel, vous reviendrez entre autres sur le succès d'Emilia Pérez puisque le film a aussi décroché le Golden Globe de la meilleure chanson. Merci beaucoup Marie-Hélène Duvigneau. À demain 7h. À demain 7h. Musique Matin. Jean-Sébastien Bach au marimba, 3 marimbas, même instrument percussif, avec des lames en bois, le palissandre ou le padouk, contrairement au xylophone où ces lames sont en métal. C'est le trio SR9 que je vous propose ce matin qui excelle en la matière, un extrait de leur disque de 2018, Alors on danse. Il n'y a pas que du Jean-Sébastien Bach dans ses transcriptions, mais aussi Jean-Philippe Rameau, une création, Bartok, Händel et Scarlatti. Mais c'est notre Bach du matin. Voici donc Jean-Sébastien Bach. Écrite à l'origine pour piano, la suite française numéro 5 en sol majeur BWV 816 de Jean-Sébastien Bach. La gigue à l'instant, un arrangement pour trio de marimba interprété par le trio SR9. Tout de suite à 8h07, je vous propose l'une des 800 cantates de chambre d'Alessandro Scarlatti, le père de Domenico. Nous sommes là à la toute fin du XVIIe siècle et les représentations d'opéra sont interdites. Alors, on fait avec en imaginant des genres parallèles, des oratorios ou des cantates de chambre. Voici l'une d'elles, la leçon de musique par Lucille Richardot et Philippe Gribard. Philippe Gribard au clavecin et Lucille Richardot dans ce récitatif per un vago désiré de la leçon de musique d'Alessandro Scarlatti. 8h09. Musique Matin, la revue de presse, Gabriel Oliver Aguillon. L'année Boulez 100 commence officiellement. Pierre Boulez, né le 26 mars 1925, décédé en 2016. Les festivités pour cette année anniversaire Boulez 100 commencent aujourd'hui avec un concert à la Philharmonie de Paris. Et puis bien sûr, beaucoup de festivités tout au long de l'année. Demain, justement, ici dans Musique Matin, nous recevrons à 8h30 Laurent Bayle, le commissaire de cette année du centenaire Boulez, auteur d'une biographie sur le compositeur, ancien directeur général de la Philharmonie de Paris. Ce sera donc demain à partir de 8h30. Se tenait hier la prestigieuse soirée des Golden Globes à Los Angeles. Hier, donc, Marie-Hélène Duvigneau vous en parlait. 10 nominations pour le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Il a été sacré cette nuit meilleure comédie musicale, meilleur film étranger et meilleure chanson avec le titre El Mal, signé Camille et Clément Ducol, compositeur arrangeur qui signe aussi tout l'habillage, les jingles de France Musique depuis des années. Un coche important dans les ambitions du film pour les Oscars qui aura lieu le 3 mars prochain. À suivre un article passionnant à lire dans Télérama, plein champ sur le lyrique avec Carmen qui a réenchanté les ruines de l'opéra de Saint-Pierre en Martinique, donné lors du festival Philao il y a quelques jours, une production qui témoigne du renouveau que connaît l'art lyrique aux Antilles. Pour rappel, cet opéra-théâtre qui avait été réduit en miettes en 1902 lors de l'éruption de la montagne Pelée, tout comme la ville entière de Saint-Pierre et ses 30 000 habitants. Porté par des voix remarquables, ce Carmen, Marie-Laure Garnier ou encore Kevin Amiel à ciel ouvert, un moment puissant et inoubliable. Relate Sophie Bourdet, la journaliste. Et il y avait d'autres voix des Outre-mer, comme le baryton haïtien Auguste Truel ou la martiniquaise Livia Louis-Joseph Doguet, mais aussi sur place le directeur musical artistique du festival, le contre-ténor Fabrice Di Falco, à l'origine aussi du concours Voix des Outre-mer. Un concours qui a lieu en ce moment. La grande finale de cette 7e édition aura lieu après-demain, ce mercredi 8 janvier, à l'Opéra Bastille à 19h30. Finale que France Musique enregistre bien sûr. Et puis c'était hier le grand jour, le jour J des 150 ans du Palais Garnier à Paris. Un opéra conçu par Charles Garnier, inauguré précisément, oui, le 5 janvier 1875, après 15 ans de travaux. Un nouveau temple lyrique et chorégraphique était né. Plusieurs événements organisés par l'Opéra de Paris vont jalonner cette année anniversaire, dont un gala spécial le 24 janvier et une exposition à la Bibliothèque Musée de l'Opéra l'automne prochain. La Croix, ce matin, propose un entretien avec Mathias Auclair, directeur du département de la musique à la BNF, pour son récent livre « L'Opéra Garnier, dessin pour un chef-d'œuvre ». Le Figaro, lui, rappelle avec un beau dossier toute l'histoire de ce bâtiment prestigieux. Et Diapason, en partenariat avec France Musique, propose tout un dossier, lui, dans son nouveau numéro de janvier intitulé « Opéra Garnier, 150 ans de magie ». Séjour de l'éternelle paix, air de Castor dans Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau avec l'ensemble A Nocte Temporis et la voix de Reinhold von Mechlen, ce ténor qui sera encore Castor. Marc Moyon, lui, sera l'autre jumeau Pollux dans Castor et Pollux de Rameau, donné à l'Opéra Garnier à Paris. Dans quelques jours, ce sera à partir du 20 janvier jusqu'au 23 février, cette tragédie lyrique de 1737 avec Peter Sellars à la mise en scène pour cette production. Et demain, dans Musique Matin, ici aussi à 7h40 un reportage de Louis-Valentin Lopez au cœur de l'Opéra Garnier pour ses 150 ans. 8h17.